Là. OK. Dès que je vois la petite affaire partir, on est prêt. La petite affaire? Le timer roule, ça veut dire qu'on est live. All right. Retro Nouveau. Bienvenue à ce 30e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les gars? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. J'ai comme une petite fixation parce que notre nouveau soundtrack vient de partir. C'est malade. Avec une puissante track de Top Gear 2, mesdames et messieurs, au Super NES. Ah, ah, man, ça te met dedans. Même les premières notes pour partir le podcast, c'est malade. Ah, c'est alors, c'est bon. C'est en grande partie Michael LaRouche, a.k.a. Baroque LaRouche, ouais. Qui m'a shooté ben du nouveau beat sur demande, et puis il m'a envoyé tout ce qu'il y avait. C'était fait sûr qu'il allait mettre du Top Gear. Ah, c'est clair. Puis j'ai fait deux autres tracks de ça. Fait que là, on a quatre tracks à Rétro Nouveau, puis c'est deux par épisode à peu près pour les longueurs. Donc, on va les mixer. Hein? Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est deux nouvelles tracks de background qu'on va avoir. Alors, ouais. Merci Baroque LaRouche. Puis, en espérant que vous aimiez. Par contre, c'est vrai, il y a une personne qui aime vraiment pas ça, par exemple. Fait oui, là, c'est vrai. Il y a du travail qui a été mis là-dedans. On est désolé, man. Ouais, hein? Ah oui, c'est ça. Je voulais en parler l'autre fois. Je pensais à ce gars-là, man. La personne. Il y a une personne qui fait un thumbs down à chacun de nos épisodes sur YouTube. Ben, des fois, il y en a d'autres plus, là. Ouais. Ben, tu sais, quand il y en a rien qu'un, tu sais, tu sais que c'est lui. Il revient tout le temps. Tu sais qu'il le fait à chaque fois, là. Fait que, en tout cas, on aimerait vraiment que cette personne-là se manifeste. Ouais. Au pire, porte-toi un faux account, man, whatever. Envoie-nous un email. Ouvre-toi un caramel, puis envoie-nous un message. Puis dis-nous donc ce que t'aimes pas, là. Parce que nous autres, on a ça à cœur, man. Oui. Votre bonheur, tu sais. Le gars, il nous écoute, puis il est malheureux. Ouais. À nous de le rendre heureux. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est malheureux. Puis il nous écoute, puis il est malheureux de nous écouter, mais il nous écoute pareil ça, à tous les épisodes. C'est ça, c'est le cercle vicieux. Il continue, ouais. Il est très assidu parce que tu sais, c'est souvent dans les premières heures. C'est ça, c'est pas très long. C'est Jeff le met en ligne. C'est peut-être Jeff. Je suis jamais satisfait de la qualité du podcast à la fin. Non, dislike, c'était pas bon. Mais peut-être qu'il nous écoute pas pour vrai, par exemple. Peut-être. Mais on a un troll quelconque. Il y avait une campagne Rétro Nouveau de L'Oréal en France. Oui, au tout départ. Là. Ça doit être L'Oréal France. D'après moi, c'est ça, c'est la personne qui a fait ça. Ils l'ont jamais on est au top. Ils l'ont jamais digéré. C'est une fille de pétant parce qu'ils testaient leurs produits sur des animaux. T'sais, on n'a rien fait. Nous, on teste rien sur les animaux. Là. Fait que, non. Que ce soit dit. Mais oui, oui, c'est sûr. On ferait jamais de mal à un animal. On est des animaux. Oui, exact. Nous-mêmes. Des animaux qui pensent, mais des animaux pareils, man. C'est dans quel film ça, donc? C'est dans la vie après l'amour, quelque chose du genre, là, avec Michel Côté. Oh, tabarnouche, ouais. Des liens références. Ça va être. Ouais, c'est bon ça. C'est très bon ça. Fait que c'était tranquille pour moi à job ces derniers temps. Fait que moi et Martin, on a essayé de pousser le projet de Barcade plus loin. Puis on s'est fait fermer la porte, man, par les arrondissements de Hochelaga et Ville-Marie. Puis, saviez-vous, il y a une loi, là, je résume très rapidement, là. Quand tu as beaucoup de machines d'arcade au même endroit, ça s'appelle, c'est considéré par la ville comme une salle d'amusement. Et puis, un bar, ben, ça s'appelle un débit de boisson. Et d'après les règles municipales, il faut qu'il y ait 25 mètres de distance entre une salle d'amusement et un débit de boisson. Là, moi, j'ai dit à personne ce jour-là, j'ai dit, là, c'est pas une salle d'amusement, là, c'est un bar, tu sais, avec des machines dedans. Et puis imagine la grande salle qu'il te faudrait pour avoir cette distance-là. Non, non, c'est ça. Les deux en même temps. Non, mais tu peux pas emmener ton drink à. T'as une navette entre les deux à l'intérieur. Fait que c'est con, tu sais. Puis elle a dit, ah non, t'es allé voir son boss. Son boss a dit pas plus que trois machines. Tu sais, ce gars-là, il avait envie de dire trois ce matin-là, tu sais, ça l'a Il y a aucune règle, genre, c'est. Non, c'est ça. Puis le pire, c'est que l'appartement 200 sur Saint-Laurent, il y en a 5-6 machines d'arcade, puis c'est drette dans le bar. Puis au forum Pepsi, il y a comme 1000 arcades là-dedans, ce qui paraît, puis le bar à côté. Tu peux amener tes consommations. Fait que, check bien, c'est une loi, mais il n'y a personne qui s'est fait poigner, fait que tout est correct. Il n'y a personne qui surveille, je pense, d'après moi. Mais par contre, si tu prévois ouvrir un bar, puis que, je sais pas, moi, il y a un voisin à un moment donné qui se plaint du bruit, puis qui veut te mettre dans la marde. Il y aurait ça. Ça peut te mettre dans la marde. Fait que, tu sais, nous autres, on va être le plus legit possible, on va être complètement backé mur à mur. Or, ça nous a mis complètement en danse. On s'est dit, fuck, on peut rien faire. Fait que, vendredi matin, il y a deux semaines, je savais pas quoi faire, j'étais triste. Fait que j'ai tweeté Coderre. Je me suis dit, ce gars-là, il est sur Twitter. Là, il était pas mal occupé avec ses dossiers de versement dans le Saint-Laurent, je dirais. Mais quand même, j'ai envoyé ça un peu partout, puis les gens ont répondu, puis ont retweeté, puis tout ça. Fait que ça a fait bien du bruit. Ça a attiré l'attention des médias. La journée même de Gazette était ici pour faire un article dans le journal, puis une vidéo, puis tout ça. Ta blonde m'a dit, Bruno, qu'elle a passé à Chaume. Ouais, à Chaume, ils ont parlé de toi. C'est Girls on Games? Non, même pas Girls on Games. Eux autres, ils ont fait du bruit avec Girls ça Girls on Games en ont parlé, mais le matin, le show du matin avec Terry DeMonte, ils en ont parlé de cette affaire-là. Mais tu sais, c'est sûr que ça touche tout le monde. CGAD aussi, 800, j'ai fait une affaire vidéo. Tu sais, ça touche tout le monde parce que tu es en train de vivre un peu genre... la maison des fous d'Astérix, dans le sens d'un vieux règlement qui, dans le temps, il y avait des arcades, ouais, les jeunes, on veut pas qu'ils boivent, il y a de la drogue là-dedans, pis non, on va tout séparer ça. Puis là, c'est sûr que tu vis avec genre ça, puis c'est une règle qui, probablement qui date de 84. Exact, c'est ça. Dans le temps que les arcades, des trous à ras. Exact. Là, ça tient plus, tu sais. Mais là, ça continue. Il va y avoir un article très, très lourd avec qui va sortir dans le Journal de Montréal. Avec des d'autres personnes qui ont été interviewées, ça va pas mal de poids. Okay. Ça devrait sortir cette semaine. Wow. Puis aussi Gravel le matin qui est venu la semaine passée pour un topo qui devrait. Ça, c'est Radio-Canada. Ça devrait sortir ça avec cette semaine. Donc, j'espère que tout ce battage médiatique va attirer un peu l'attention de Coder. Qui m'a répondu quand même deux jours après, devait être tanné de se faire notifier. Il a dit je vais y jeter un coup d'œil. Bon. Fait que là, bon, il va-tu le faire ou non, je sais pas, là, mais au moins... Ah, puis j'ai eu le message. Ben, ça se peut. J'ai eu le email aussi de son attaché politique à qui j'ai envoyé un courriel explicatif de notre projet et tout ça. Fait que c'est ça. Et en même temps, il y a un autre groupe comme nous qui veulent se partir un barcade de pinball sur Saint-Laurent. Ils ont eu le même problème que nous il y a un an à peu près. Ça s'appelle North Star Pinball. Et puis eux autres avec, ils ont été à radio, à TV, puis tout ça à cause, ils se sont bloqués avec cette loi-là. Mais eux autres, ils disent « fuck it, on va pareil de l'avant, puis on l'ouvre. » Sauf qu'eux autres, c'est sur le plateau. Et puis, suite à leur battage médiatique à eux, la responsable du plateau a communiqué avec eux. Ils ont dit « ben, demandez, tu pouvais faire un amendement, une dérogation. » Fait que là, ils ont demandé ça. Ça coûte 7 000 Et c'est même pas garanti que ça va marcher, tu sais. Fait que les autres sont quand même en train d'acheter le bar et puis d'aller de l'avant avec tout ça. Fait que je me croise les doigts pour eux autres, là, mais moi, il n'y a pas question que j'investisse là, des dizaines de milliers de dollars là, sur un pile ou face là, pour l'instant. Je veux être sûr que, tu sais, on va pas se faire comme fermer. Là. Donc, c'est ça. Mais North Star Pinball, je vais les suivre de près. On communique régulièrement. Quand je peux les plugger, puis on se plug mutuellement pour essayer de combattre la ville à ce niveau-là. Donc, c'est cool. C'est pas vraiment des compétiteurs. Eux autres, c'est pinball strictement. Nous autres, c'est arcade strictement. C'est donc, c'est complémentaire. Tu sais. Très intéressant. Wow. C'est cool, ça. Puis, c'est ça qui arrive. Sinon, aujourd'hui, ce matin, j'ai publié le 20... c'est-tu ça? Vendredi, le 20 novembre, j'organise un party rétro gaming au FOUF. Fait qu'il va y avoir des consoles un peu partout. Il va y avoir une cocktail aussi pour jouer. Ils ont ça là-bas. Du monde qui vont vendre des jeux. Il y a... DJ Dark Tape de Québec et puis DJ Pokai de Toy Company qui vont mettre du beat. Il va y avoir gros joueurs qui vont faire un peu d'animation, ils vont faire tirer un prix, ils vont amener leur fameuse grosse manette de Nintendo sûrement. Ils vont faire aussi un jeu de Q-Bird que tu joues avec un tapis de Dance Dance. Okay. Fait qu'eux autres, c'est ça qu'ils font, c'est ça leur gimmick. Cool. Là. Ils font des installations là, ludiques là, de jeux vidéo. Donc, tu sais, l'événement est gratuit, vendre des jeux c'est gratuit. Tout le monde qui est là font ça gratuitement. Donc, tu sais, le monde y embarque, là, ça va être un super bel événement. J'ai posté ça un matin, puis à l'heure qu'il est, à l'heure où on se parle, il est quelle heure, là? Il est 9h15. On est à peu près à 450 personnes qui viennent. C'est clair qu'il y en a 500 d'ici la fin de la journée. Donc là, c'est cool parce que le monde du chiptune, il partage. Seb, Boulevard Brutal, les métalleux, ils partagent. Milter, il partage. Juste à lui, ça le fait déjà pas mal. Fait que, tu sais, ça se répand, là, comme... la poudre, là. Une traînée de poudre. Comme une traînée de poudre. Une traînée de poudre. La poudre de Perlin Pimpin. Ah oui, man. Fait que vous viendrez au four. C'est le vendredi en plus. Moi, je trouve ça parfait. On va avoir tout le deuxième étage à nous autres tout seuls. On va pouvoir faire ce qu'on veut. La bière est pas chère. On a notre propre bar. ça va, tout le monde qui trippe rétro à Montréal, puis même de Québec, puis peut-être la gang de Saguenay vont venir aussi. Ça va être là, malade. Là. Si vous voulez voir tout le monde, les YouTubers, whatever, c'est clair que tout le monde va être là. Mais c'est le fun parce que je trouve que ça amène le cool dans le rétro gaming. Ouais, c'est ça qui manque. Ça manque de cool dans le rétro gaming. C'est un peu trop, fille. C'est un peu trop sous-sol d'église. Là, puis c'est ça. On va essayer de mettre le fun là-dedans parce que. Ben oui. Ben moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Là. Oui. Moi, j'aime acheter, vendre des jeux, puis tout ça. Puis il va en avoir, puis j'aime ça. Faire le party avec mes chums, puis il va tout avoir ça là. Mm-hmm. Puis les fouf, ben moi, j'adore cet endroit-là. Oui. Ça me calme. Ben oui. C'est une place qui me calme. Ironiquement. Bien à l'aise, moi, là-dedans. Donc, ça va être là, le meilleur des mondes. C'est vraiment cool. Vraiment, ouais. Vraiment le fun. Donc, surveillez ça. Là. Je le publie un peu partout, puis sur Retro Nouveau un matin. Nice. Anyway, c'est dans un mois, fait que vous allez en entendre parler en masse. Great! Yeah! Hey, c'est fantastique, man. Fait que là, en fait... Hey, les gars, épisode 30 aujourd'hui. Ouais. Milestone! Ah ouais, Milestone. C'est vrai. Malheureusement, Ben n'est pas là. Ben devait être là aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Aussi, il y a deux semaines, on avait un invité aussi qui a été malade le jour du show. Ouais. Fait qu'il pouvait pas venir. Puis là, aujourd'hui, Ben était malade le jour du show, pouvait pas venir. Fait que si vous voulez mettre des gens malades, là, envoyez-les sur le show ici, puis ils vont tomber malades immédiatement. Toujours bon, vous avez un examen demain matin. C'est ça. Ouais. Faire un tour sur le show la veille, vous allez... J'allais à Rétro Nouveau, puis avoir un billet du médecin sans faute. Fait que c'est ça, man. Pas d'invité, pas de Ben. Pas de poème Patreon, en plus. Oh, Christ. Fait que, On revient sur l'ancienne track, il y a un petit problème. Oh. Parce que comme on dit, il n'y a pas de Patreon aujourd'hui, fait que on coupe le stéréo, on vous met en mono. Ouais, on a des problèmes encore, on est en mono pour le live. Ouais, ça va être corrigé par la suite là. C'est parce qu'il faut atteindre, mesdames et messieurs, le milestone du PC dédié. Parce que là, on fait juste tout débrancher, rebrancher tout le temps. Puis là, je sais pas ce qui se passe, man. C'est la faute d'Apple. Ah, c'est Mac. Sérieux, je suis un peu écœuré d'Apple. Moi, si je pouvais me faire avoir une couple de vœux, mettons, là, l'un d'eux serait de me faire transformer dans la tête en gars qui est parfaitement fluide sur PC, tu sais, puis Android, tout ça. Puis plus jamais faire affaire avec Apple de ma vie, ça serait mon rêve. Mais là, je suis trop là-dedans, tu sais, je peux plus jamais m'en sortir. Ah non, c'est ça, là. C'est mon travail, tu sais, je peux pas. Mais c'est comme si justement, t'as eu un enfant, là. Puis là, ça fait 12 ans que tu l'as, ton enfant. Puis là, t'es comme... Oh, mais je sais pas. Il me semble que je ferais mieux sans enfant. Tu peux pas t'en débarrasser. Non. Je pensais que t'allais dire que c'était un switch d'enfant. Tu sais. C'est encore plus... Mais c'est un peu ça aussi. J'aimerais bien avoir un chien à la place. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, oh, j'ai un petit gars. Je vais avoir une fille à la place, mais... C'est impossible. Non. C'est pas possible. Tu peux pas décider. T'es trop habitué avec ça. Exact. C'est comme un tatou d'en face. T'es pogné avec. Ouais, je pense que c'est une meilleure analogie, en fait. un tatou d'en face. Un jour, tu décides de faire un tatou d'en face. Après ça, tu peux plus avoir pas de tatou d'en face. Ben, tu peux, mais ton choix subséquent est d'avoir plein de cicatrices, genre, puis plus d'argent dans ton compte de banque. D'être mauve d'en face. Juste délavé, là. Ça, c'est comme un tatou tie-dye. Oh, man. Bon, ben, coudonc, vu qu'on n'a rien d'autre, sur ces bonnes paroles... Ben, rien, quand même. Moi, je trouve que c'est un gros début de show, là, avec toutes tes annonces, là. Monsieur traite avec Coder. Ah ouais, sérieux, c'est fou, man. C'est fou. Ça, tout ça, c'est tellement big. Christy. Là. Moi, je suis là que je fais rien, man, puis tout ça se fait tout seul. Attends, Asti, peut-être que Trudeau va se mettre sur ton cas puis pour avoir une coupe de vote. Allez, Justin Trudeau. Eh oui. C'est qui va remplacer Pierre Lapointe si vous ne donnez pas? Justin ça serait bon, ça. Ça va être les cas de Justin Trudeau. Ça doit le faire changer. Ça ou Stephen Harper. Ou tous les poèmes Patreon sur le thème de « Look at this photograph » de Nickelback. Ça, c'est comme chien. On n'aura plus jamais d'argent. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Puis personne va vouloir. Mais malgré l'absence de Ben, on a quand même un très gros show. Regardez-moi ça, tous les visuels sur ma timeline ici. Ouais. C'est le plus gros. Ça la plus grosse bon quantité visuelle qu'on a jamais eu dans un épisode live de Retro Nouveau. Si ça bug pas avec tout ça. Je me croise vraiment les doigts en ce moment. J'ai des petites sueurs qu'on voit pas à l'écran. Là. Je me suis maquillage de télé. Là. Ah ouais, ah ouais. Yep. Ça s'en vient. J'ai ça même s'en enlevé vient. Mes jeans pour être sûr. Que ça soit moins lourd sur le show. Je les enlève tout le temps. Je ça ce soir. Aïe, aïe. All right. Fait que on va commencer ça avec Benoît Gagnon. Benoît, La critique cette semaine. Slow gaming encore? Ouais. Slow, très slow gaming. En plus, son jeu, on le dira pas, là, mais c'est vraiment encore, je pense, un jeu de slow gaming. Il me semble qu'il est vraiment parti sur une chire. Là. Je connais pas ce jeu-là. C'est je pensais que c'était Aero de Astrobat. C'est pas ça. Astrobat. Ouais, Astrobat. Je pensais que c'était Aerobat, non? C'était Aerobat ou Astrobat? Ah, on verra. On va parler. Là. On va trouver. Histoire de bat. Ouais. Aerobat ou Astrobat? Ça existe pas, ça. C'est Aerobat? Ouais, la petite chauve-souris rouge. Là. Ah, ouais. Aero des acrobates. C'est ça. Ben, ouais. Il y a pas d'astro là-dedans. Astrobat, Astrobat. C'est comme... Bon. Colin. C'est quoi le jeu de Master System, là, qui finit par bot, là? C'est Pinbot? Ben, Pinbot, c'est une... Ben, Pinbot, on laisse, mais c'est... fuck! Transbot! Transbot! Ouais, c'est ça que je... Ça, c'était comme le faux Transformer. Ouais, ouais, c'est ça, c'était ça. Des transgenres robotiques. C'est ça! Wow! C'est un bot, c'est... C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui présentement est en train de taper dans Indiegogo. Alors, j'ai une idée écœurante, tu sais. J'ai piqué une idée à Bruno. Genre. Mais les gens dans le chat sont traumatisés par le terme Astrobat. Aérobat aussi. Déjà tellement bat. Colin, on vient de commencer. Ça commence. Aérobat, c'est clairement un article de Balmol. Faut pas aller penser plus loin. Non, faut jamais penser plus loin. Surtout que c'est pas d'homme qui l'a dit, fait que ça compte pas. J'ai rien à voir là-dedans. Non. Ben vas-y donc Bruno d'abord avec. Ouais, je vais y aller. En fait, j'ai tardé. Impressions de Trojan. Ouais, mes impressions de Trojan. On est. Enfin, à vif, à sec, mes impressions de Trojan. Je vais vous parler. on décortique le personnage. Oh boy. Non, c'est ça, j'ai tardé à jouer avec la New 3DS. Puis c'est ça, là, je me suis amusé beaucoup avec la New 3DS pour voir si c'était quelque chose d'intéressant. Puis si pour quelqu'un qui a une 3DS et une 3DS XL, si ça peut être un achat intéressant. Chris. Premièrement, ouais, Chris, comme tu dis. Mais premièrement, j'ai trouvé que pour la prise en main de la machine, vraiment, je trouve, je m'attendais à ce que la XL soit peut-être un petit peu trop grosse. Mais elle se prend vraiment bien. Les coins sont ronds, encore une fois. Fait que ça, pour ce qui est de la prise en main, ça va mieux que la toute petite. Vraiment, ça, c'est vraiment rushant. Le bouton analogue, dans le fond, le deuxième joystick, j'ai été surpris de voir à quel point ça fonctionnait bien. Parce que ça donne l'impression qu'il est tactile même, un peu, je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi la technologie derrière ça. C'est assez unique. Ben, l'analogie de cette affaire-là, c'est vraiment, si vous avez déjà eu un vieux ThinkPad IBM à l'époque, une espèce de petit... Oui, il y avait un nom... Le petit clitoris dans le milieu, ouais, là, oui. On l'appelait. Tout le monde l'appelait de même. Faut pas que t'aies peur de le dire, c'est ça que le monde disait. Tu sais, t'allais prendre une bière au crocodile, tu sortais ton ThinkPad, man, à côté des neiges. Yo, man, clitoris! Je suis impressionné que t'as plugué le crocodile. Ben là, je suis sorti partout, moi, man, à Montréal. Ouais, c'est clair. Tu les as toutes faites. Je les ai toutes faites. Ok, ouais. Il y en a vu des affaires, ce gars-là. Un homme déchiré. fait que. On va revenir à 3DS. En fait. Déchiré, t'as-tu? Tu penses qu'on est des pères? qu'on pense à des vagins qui déchirent? Ah non, c'était pas puis ça. On parle de clitoris. Après ça, on va dire que c'est mes podcasts qui sont vulgaires, c'est ça, hein? On sait bien. Non, je disais que t'avais. Parce que ça a besoin d'explication, en fait. C'est parce que t'as vécu beaucoup de choses, t'as vu beaucoup de places. Ouais. Fait que t'es comme déchiré de la vie, t'es torn apart. Exact. Je pense que tu t'enfonces un petit peu. Oh. Ouais. Oh, la 3 pistoles 9% commence à me réchauffer en crise. Du caramel lourd. J'ai hâte à demain matin. Du sirop, mon gars. Ça va descendre tranquillement. Ça va peut-être remonter même. Fait que... Hors contrôle, le chat. OK. Cette machine-là. Prise en main. Bonne prise en main. Ouais. Fait qu'on revient à la prise en main. Prise en main est impeccable. C'est vraiment fantastique, sérieusement. C'est une machine qui fonctionne bien. Je l'ai aussi trouvé beaucoup plus rapide. Ben franchement, il y a une très, très forte amélioration. Côté écran, je l'ai aimé. Par contre, je dirais pas que c'est tant mieux que ça que les autres 3DS. J'ai trouvé que les couleurs étaient plus vives, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'y a peut-être juste pas le jeu qui peut pousser cette puis cette vivacité-là. Il y a peut-être, par contre, Xenoblade, que toi, Nicolas, t'avais critiqué. Mais moi, c'est ça, j'ai essayé Majora's Mask. Ouais. Fait que Majora's Mask, c'était un petit peu fade quand même. Ouais, je pense que l'écran, en fait, c'est plus le 3D dynamique là, oui. qui ont poussé, là, plus que la résolution elle-même. Là, mais j'ai remarqué une différence dans les couleurs quand même. Un petit peu plus papy, un petit peu plus saturé. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. La 3D, c'est vrai que ça fonctionne à merveille. Je l'ai pas vraiment éteinte. Je l'ai éteinte à quelques moments. Mettons justement, je jouais un petit peu trop près, puis je sais pas, il était tard le soir, je la fermais. Mais sinon, sérieusement, c'est vrai, ça suit tes yeux. Puis même dans le noir, en fait, ça suit ton regard, tout ça. Parce qu'il y a une petite caméra infrarouge, c'est capable de voir où ta tête est. Puis ça fonctionne vraiment bien. Puis on a moins besoin, justement, de l'éteindre. Moi, ça arrivait souvent avec des jeux. J'ai joué, entre autres, à des jeux qui ont beaucoup d'action, comme Donkey Kong, puis tout ça, où tu vas bouger un peu, puis ça fonctionne super bien. Fait que, en fait, côté tout ce qu'elle a à offrir, sérieusement, c'est tout le temps mieux. C'est du mieux pour tout. Le deuxième joystick, je pense vraiment qu'il va faire son chemin puis qu'il va fonctionner comme du monde parce que ça, c'est intuitif. En fait, après une minute avec ça, j'avais déjà la pogne puis ça fonctionnait super bien. Puis les deux gâchettes en arrière, je les ai utilisées pour Resident Evil. Ok, t'as essayé Resident Evil? Oui, j'ai essayé Resident Evil pour voir s'il s'adaptait. Parce que moi, je jouais avec le gros sandwich Nintendo. Là, le add-on? Oui, le add-on. Pour Metal Gear aussi. C'était gigantesque. Ah, là. Puis là, je voulais voir si ça fonctionnait. Puis ça fonctionnait super bien. Oh. Il savait les deux autres triggers. Le deuxième joystick servait pour ma caméra. Ça fonctionnait super bien, même que j'appréciais beaucoup plus le jeu parce que c'était mieux pour jouer, en fait. Fait que ça améliore l'expérience de jeu grandement. Pour certains jeux, évidemment, pour d'autres, ça donne absolument rien. Ton joystick et tes deux autres boutons. Mais c'est ça, contrairement à la Vita, lui, il y a 4 triggers, ce qui est pas peu dire. Là. Ça va probablement être comme ça pour tous les jeux à venir, en quatre fait, vont trigger? Demander. Ouais. Ah ouais? 4 triggers. Okay. C'est vraiment. L'un à côté de l'autre, sur le dessus. Oui. Celle-là, plus proche du milieu, doit être tough à atteindre. Là. Non, ça se fait quand même bien parce que. Puis ça va dépendre des développeurs, évidemment, de bien choisir le layout pour les boutons. Mais dans les jeux auxquels j'ai joué, t'as jamais besoin d'utiliser les deux en même temps. Fait que c'est souvent gauche-droite, puis des fois, t'as un truc justement d'avoir du gaz, puis après ça, d'envoyer un item, mettons, dans Mario Kart, ben, ça se fera jamais du même côté. Ouais. Fait que ça va être pensé en conséquence, puis ça va quand même bien. Je souhaite quand même, à un moment donné, avoir une console où on va les avoir un par-dessus l'autre, pareil comme une manette. Mm-hmm. Mais bref, tout ça pour dire que la console est vraiment le fun. Moi, je la conseille fortement. C'est vraiment génial. Puis en plus de ça, pour ce qui est de la batterie, ça dure vraiment plus longtemps. Il y a une grosse différence. Les jeux que j'ai essayés rapidement, c'est ça ce qu'on voit présentement, c'est Box Boy, qui est une grosse surprise pour moi. Ben, franchement, j'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu dans lequel c'est en 2D, t'as vraiment pas de 3D là-dedans. C'est des puzzles, t'avances puis tu places des boîtes. En fait, tu fais avancer des boîtes en avant de toi, puis tu vas pouvoir passer au travers de certains obstacles. C'est super le fun, puis c'est un jeu qui est vraiment qui est super simple de base, mais les puzzles sont quand même assez bien faits, puis le design des niveaux est vraiment impeccable. Fait que même si c'est en noir et blanc, puis qu'au départ ça a pas l'air si intéressant, c'est vraiment super le fun. C'est intelligent comme mécanique, ça, là. Oui, puis tu peux faire des petites parties, puis ça fonctionne super bien, mais moi, j'ai joué à peu près une heure et demie à ça la première fois que j'y ai joué parce que je trippais trop, je trouvais ça le fun, je voulais avoir des scores parfaits. Fait que vraiment un bon jeu. Sinon, comme j'ai dit tantôt, j'ai joué à Zelda Majora's Mask. Mm-hmm. C'est ça, celui-là, en fait, moi, j'étais pas un fan. Bon, c'était sur la Nintendo 64. C'est un Zelda qui est très différent des autres avec une histoire super glauque où tu vis la fin du monde à tous les jours. Ouais. Fait que c'est assez stressant, sauf que ça m'a permis de redécouvrir ce jeu-là puis de l'apprécier beaucoup plus que la première fois où j'ai joué. Justement à cause qu'il y a une très très bonne utilisation de la 3D puis des contrôles. Les contrôles vont vraiment bien dans ce jeu-là. Puis j'ai trouvé aussi que la traduction qui était pas vraiment là quand j'ai joué à la première version, en fait. La version sur Nintendo 64, moi, j'ai joué en anglais. Je sais pas s'il y avait la version française, mais j'ai joué en anglais. Là, la version française, c'est vraiment drôle. T'as des, parce que c'est un Québécois qui fait des versions françaises pour Nintendo. Ça, c'est une touche, le fun, que je trouve de beaucoup de jeux qui vont avoir été, mettons, publiés par Nintendo. C'est qu'ils ont un service de localisation qui fait du français québécois, genre au canadien français, oui, si on veut. Puis ça fait une belle différence dans plusieurs jeux que je joue, tu sais. Je vois, il y a une petite touche. Des fois, il y a une expression que tu reconnais. Ça fait juste... Ça fait chaud au cœur, tu sais. Puis c'est pas le même français qui va être utilisé en France. Fait que non, les versions sont différentes. Ben, j'ai vu un tabarnouche dans Zelda, c'est fantastique. Ouais, c'est Parce que, tu sais, c'est ça, ça dépend des... C'est le fun parce que c'est adapté au type de personnage, en fait. Fait que, tu sais, si t'as un bonhomme dans une taverne qui est un peu... Tu vois, le langage qui est adapté, fait que c'est bien. Mais c'est ça, bref, je l'ai pas juste aimé pour la traduction. Vraiment, le jeu, les contrôles sont super bons. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai vraiment pas fini, évidemment, parce que c'est un long jeu. Mais... C'est vraiment agréable d'y jouer sur la New 3DS. J'ai aussi joué à Dr. Mario Miracle Cure, qui est, à mon avis, le meilleur Dr. Mario qui est sorti à ce jour, parce qu'en fait, il y avait eu aussi Dr. Luigi sur Wii U, quand c'était l'année de Luigi. Puis la sortie de Dr. Luigi était un peu weird, parce que tu jouais à Dr. Luigi, puis tu faisais comme, ben là, c'est pas Dr. Mario, puis c'est comme une autre affaire. Ah ouais, c'était différent. C'est comme un genre de Tetris, en fait, mélangé avec Dr. Mario. Tes pièces sont comme des pièces de Tetris. Okay. C'est des L, puis des formes, des zigzags. Fait que c'est pas le même gameplay. Sauf que là, avec Miracle Cure, t'as tout, en fait. T'as Dr. Luigi, t'as Dr. Mario, t'as des défis, t'as un mode en ligne qui fonctionne à merveille. Puis c'est vraiment super fluide, ça fonctionne super bien, la musique, tout est là. Il y a même des espèces de power-up aussi qu'il n'y a pas vraiment dans Dr. Mario qui sont dans cette version-là, puis qui sont vraiment le fun à utiliser, justement, comme une pièce comme ça, des fois qui enlève toute une ligne, puis tout ça. Fait que tu choisis sérieusement, même si tu dis que tu as déjà joué à Dr. Mario, que tu as fait le tour, essaye celui-là, sérieusement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mm-hmm. Puis il est bien fait, là. C'est vraiment un titre de Nintendo. J'aime ça, moi, Dr. Mario. Moi aussi, j'aime vraiment ça, Dr. Mario. C'est un jeu vraiment le fun en versus mode. Là, c'est vraiment satisfaisant de jouer contre quelqu'un. Puis même celui-là, il y a comme deux modes aussi. Versus, tu peux y jouer avec ta 3DS normale à la verticale, puis tu peux y jouer à l'horizontale aussi avec ton stylet. Puis ces deux modes-là sont tout aussi intéressants l'un que l'autre. Fait que très le fun. Puis ma dernière trouvaille, c'était 3D Shinobi 3. Tu me l'as vendu? C'est pas ça. Hey, c'est pareil. C'est pas ça. Ça, c'est Shinobi, en fait. Ouais. Mais ça, c'est pas le même? Non, ce que j'ai joué, c'est pas ça, en fait. OK. On n'a pas les bonnes images. On est désolé. Ah, c'est pas les bonnes images, c'est ça? OK. C'est là qu'on a les images de Shinobi. Là, on a les images de Shinobi, mais Shinobi, c'est le fun. Ouais. Mais... C'est tough en tabarnak. Ouais, c'est très tough. Mais en fait, non, moi, celui-là dont je parle, c'est... C'est le remake de la version Genesis. C'est le remake de la version Genesis. Ils ont ajouté de la 3D dedans, puis sérieusement, c'est pas de la 3D cheap. Il y a tellement de profondeur, là. Moi, c'est ça, je m'attendais vraiment à... Tu sais, juste avoir comme... l'horizon est en arrière, puis là, ce qu'il y a en avant, c'est en avant. Mais non, ils ont bougé justement avec des formes en arrière, puis tout ça. T'as vraiment là énormément de dimensions. Le jeu est super le fun, puis vraiment, il se joue très bien aujourd'hui. Moi, c'était un de mes meilleurs Shinobi, puis là, c'est vraiment, ça y donne une seconde vie, là. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Nice. Puis pourtant, je trouve que Sega vend mal ces jeux-là. Ouais. Tu sais, le petit icône 3D, vraiment cheap, comme si c'était une collection CD-ROM de Corel Draw. C'est dégueulasse, là. Tu sais, ça te donne pas le goût d'acheter ça, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Okay. De tous les jeux que j'ai essayés sur la New 3DS, ça, c'était mon coup de cœur. Nice. Parce que la 3D prend tout son sens, comme faut que tu joues en 3D, puis tu vas trouver que ce jeu-là est nouveau complètement, tu sais, que c'est pas t'es pas en train de jouer à un vieux jeu, t'es pas en train de jouer au jeu de Genesis, là. Même si c'est exactement nice. Fait que c'est ça, exactement, c'est vraiment une console 179, si je me trompe pas. Hmm. Ouais, je pense. C'est-tu la meilleure des 3DS à acheter si t'en as une seule à choisir? Bah, sur oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est moi, j'en ai aucune de toutes ceux-là, puis je veux m'en acheter une probablement bientôt. Là, je regardais pour elle, fait que c'est elle qui est... Moi, maintenant, mes meilleures 3DS, c'est celle-là, puis la 2DS, en fait. Ouais. La 2DS, j'arrête pas de vanter, c'est, mais c'est écœurant, cette petite console-là. Là. Ouais. Les gens l'ont ridiculisée rapidement, là, mais pour le gameplay, là, pour la prise en main, là, c'est fantastique. Jouer elle a l'air... Elle a l'air d'être tough, tu sais, tu la regardes. Ouais. Tu sais, elle a été faite avec les enfants en tête. Ouais. Puis tu peux le pitcher. Tu sais, ça a l'air d'une dictée magique pour ceux qui connaissent un peu cet appareil-là. Ouais. Tu peux te garocher ça. Là. Si ceux qui connaissent pas ça, allez voir E.T. là, en fait. Là. C'est vrai. Le speak and spell. Là. Mais l'affaire, c'est. Elle a l'air tough. Puis en effet, la prise de main est surprenante, tu sais. Ouais. Moi, sérieusement, j'aime beaucoup l'original. J'aime l'objet, là. Moi, j'aime l'original beaucoup parce qu'elle tient dans les poches. Mais d'avoir vu toutes les autres 3DS, si aujourd'hui je m'en rachèterais une, c'est clair que ça serait la New 3DS. En plus, qu'elle a des titres exclusifs. Ouais. Ça, pour moi, c'est un plus, tu sais, comme Xenoblade Chronicles, si tu veux jouer, tu sais. Ouais, ouais. Là-dessus. À date, il n'y en a pas beaucoup. Il va sûrement en avoir quelques autres. Ça va pas être des tonnes. Là. On s'entend qu'il y a plus de 3DS, de 2DS que de nous 3DS. Moi, je pense que je vais attendre la prochaine console portable de Nintendo. Elle qui sera plus dans cette stretch-là. Sérieusement, je pense que ça va prendre là. Un bout parce que vraiment, la 3DS fonctionne vraiment bien. Ben là, il s'est rendu trop loin. Là, ils vont pas faire la 3DS New, 3DS, XL. Non. On va vomir quand ça va être compliqué. Attends, la Super 3DS. Tu vas peut-être avoir de l'odorama, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va être la même affaire, mais en tout cas, moi, je pense que je vais attendre. Ouais. Ouais. Mais j'achète pas assez de jeux physiques ou trois, tu sais, comme... Ouais. Ben, même à ce moment. Mais même... Pas. Mais même... ça, c'est mes goûts personnels. Mais, en fait, l'impression qu'on va se faire sortir une nouvelle machine portable la NX, qui va avoir la 3D dedans, pareil, puis qui va mieux intégrer toutes ces affaires-là avant longtemps, t'sais. Mais moi, je pensais... À un certain point, je pensais que Nintendo devrait laisser... Parce que ta DSi, Excel, next level de shit, t'es comme, oh man, c'est clairement la meilleure là, à acheter, puis ça me prend vraiment ça, puis paf, comme un an après... 3DS, calice, man. Je viens juste d'acheter ça. Ouais. Mais non, mais ils deviennent pas bonnes, tu sais. Ils sont quand même. Non, c'est cher. Tu n'en voudras plus, là, ta New 3DS. Ça dépend, là, quand c'est... l'autre va sortir. Est-ce que tu as un Apple 6S? C'est la même affaire, dans le fond. C'est comme un iPhone, dans un sens. Ouais. Ben, c'est moins cher. Sauf que. Tu les achètes tout, toi. Sauf que c'est. Ben, lui. La différence. Ouais, la différence, c'est que là. Comme tu disais tantôt, tu sais, il y a d'autres boutons dessus, il y a des fonctionnalités que tu pourras pas avoir sur les autres. Fait que pour ça, ça. Faut voir combien de jeux ils vont sortir là, avec ça. Cette fonctionnalité. Mais... Exact, sauf que moi, de remarquer en jouant avec des jeux que j'avais auparavant, que ça a été adapté puis ça fonctionne bien avec, je me dis comme Christy, c'est génial. Là, je me disais, avec tous les jeux que je pourrais redécouvrir avec ça en tête, puis. Remapper mes boutons en fonction, tu sais. T'as-tu essayé Kid Icarus aussi? J'ai pas essayé Kid Icarus, puis ça, faudrait vraiment... Je pense pas qu'il l'ait... Je pense... Kid Icarus, c'est stylé, puis analogue. Mais t'avais... Le add-on, t'avais pas un add-on pour ça. Mais t'avais un petit trépied. T'avais un trépied. Non, tu pouvais pas. Non? Mais c'était genre notre fantasme, là. OK, mais tu pouvais pas. OK, ben... Fait que ça marche. Une version shippée avec, en fait. Parce qu'il y avait... Je peux te dire que non, sérieux. Ben, en tout cas, moi, ce que j'avais avec mon Kid Icarus, c'était un petit trépied là, pour mettre ma console dessus parce que ça venait lourd de la tenir à une main. Là. Mais le add-on ne fonctionnait pas. Le jeu n'a pas été programmé pour le add-on. C'est mon erreur. Là. Mais peut-être à contre-vérifier, mais tu sais, c'est ça. Je me souviens d'avoir très désiré ça parce que c'est purement Twin Stick Attack. Puis non, c'était pas possible. Hey, ce jeu-là, il m'a détruit. Moi, moi j'ai bien aimé, en tout cas. Dans mes meilleurs jeux 3DS. Mais oui, ça prend un twin stick, là. Ça prend deux analogues. Oui, vraiment. Ça serait si facile. Ouais. Hey, écoute. Ok, Nick. Ouais. Alors, excuse, t'avais-tu des notes? Ben, j'avais pas de notes en fait. Ok, c'est ça. C'était mes impressions. Tes impressions. Sérieusement, allez-y, gaiement. C'est vraiment une foutue bonne machine. Bon investissement. Bon, ben. Pas autant de pause ici. Ouais, c'est ça. C'est clean. Fait que moi, je vais vous parler d'un jeu, en fait, qui est Might and Magic Heroes 7. Alors, je n'ai pas dit Heroes of Might and Magic, Parce que, pour une raison obscure et possiblement légale, ils donnent des avocats derrière de ça, ils ont décidé de changer le nom de la franchise. Ça, dans le fond, c'est Ubisoft ont racheté les droits de la franchise il y a quelques années déjà, là, je pense au début des années 2000. Puis ça, dans le fond, c'est ça. Vous connaissez ça sous le nom de Heroes of Might and Magic. Alors ça, c'est le dernier de la série qui vient de sortir. C'est développé par Limbic, en fait. Entertainment, qui est aussi ceux qui ont fait les deux derniers titres, en fait, là, reliés à la série. Puis, c'est disponible sur PC Windows. Ça va vous demander justement un compte Ubisoft Uplay. Oui, ouais, Uplay, avec un U. Oui, c'est ça. Uplay. Exact. Alors, c'est classé adolescent. Donc, véritablement, ça, c'est le successeur spirituel des Heroes of Might and Magic. Moi, la dernière fois que j'avais joué une itération, c'était le 2, en fait, sur mon Pentium 133, il y a vraiment très longtemps, tu sais. J'avais quand même des bons souvenirs de ce jeu-là. T'avais vraiment le goût de te relancer, toi. Ouais, là, c'est ça. Fait que là, t'as attendu 5 titres. J'ai attendu 5 titres, mais tu sais, j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais pas complété le titre. Ça, c'est comme moi. J'ai comme Police Academy 2, j'ai arrêté. Recommencé au 8. Ah ouais, tu vois, c'est ça. Fait que... J'ai apparemment Steve manqué. Steve Gutenberg a probablement manqué plusieurs chèques de paix à cause de ça. Ben, j'ai manqué le 3 qui est apparemment le meilleur de la série, tu sais. Fait que. Là, on parle de Police Academy ou de Might and Magic? Moi, je revenais à Heroes of Might and Magic. Ok, okay, parce que j'allais dire, c'est clairement le 4. Mais non. Non, ben. Je voulais parler de Mahoney. Mahoney. Moi, j'aimais le 4 parce qu'il y avait Tony Hawk dedans, man. Il faisait un caméo, là. Ah ouais, il faisait un stunt de skateboard. Ouais, genre. Là. Colin. Puis maintenant, il fait des jeux vidéo poche. Ouais, hein. Colin. Ça, on fera pas la critique en passant. Bon. Excuse, pas bon. Vas-y, mon beau. Ben, c'est ça, fait que. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un jeu de stratégie turn-based, là. Très, très classique, en fait. Si vous avez joué comme moi au 2 ou au 3, vous allez reconnaître énormément d'éléments, en fait. Grosso modo, vous avez une carte qui est comme une vue isométrique. Vous voyez, bon, il y a des items qu'on peut ramasser comme de l'or ou des cristaux. Il y a aussi les ennemis, vous les voyez sur la carte. C'est une carte à découvrir, en fait, qui est comme le monde qu'on va se promener là-dedans. Puis quand vous allez voir un ennemi, ben là après ça, vous allez entrer dans un écran de bataille, en fait, qui est comme un peu... c'est une autre vue isométrique, mais plus sur un échiquier en tant que tel. Là. Donc, il y a une grille au sol, puis tu sais... étant donné que c'est tactique, vous allez déplacer vos curseurs là, avec un nombre de coups à faire. T'sais, mettons, vous pouvez déplacer de 5 cases, vous allez avancer de 5 cases, vous allez vous battre, tu sais... C'est très, très fidèle à notre souvenir, en fait, là, de l'époque. En fait, je dirais même, c'est tellement fidèle que ils ont pas beaucoup évolué en tant que tel au niveau de l'interface puis de comment ils approchent le turn-based. Mm-hmm. Il y a des gros, gros fans de la série, tu sais. Je suis certain qu'eux vont reconnaître, puis tu sais, ils vont triper à fond dans la façon dont ça a été amené. Pour moi, tu sais, comme ça fait longtemps que j'avais pas joué, j'ai joué à beaucoup d'autres jeux turn-based. Puis j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu archaïque, en fait, là, ouais. dans leur approche. Tu sais, les combats, là, ici, on en voit un petit peu, là. Les animations sont vraiment pas spectaculaires, en fait. Pourtant, tantôt, ce qu'on voyait, c'était fantastique. Ouais, mais il y a de deux, trois cinématiques qui ont montré, là, mais c'est pas vraiment du in-game. Tu sais, c'est plus des cutscenes, en fait. Okay. Mais quand on est dans le combat, en fait, les animations sont assez archaïques, tu sais. Il y a aucun tutoriel dans ce jeu-là. Ça l'assume que tu comprends tout ce qui se passe. On est rendu au 7e, là. Ouais, en c'est ça, exact. En 7e, puis j'entrais toujours aux autres. Ouais, c'est genre, ça. On a changé le nom à cause de toi. Fait que. Puis c'est quand même assez complexe, là, on s'entend. Il y a, ouais. il y a pas mal ouais, de progression qui est possible. Ça a l'air vraiment fait compliqué. Tu sais, ça, il n'y a pas de tutoriel. Tu sais, c'est pas super simple d'approche. Life les combats, is hard, son. Oui, ça l'est en tête. Les combats sont pas énormément dynamiques. C'est du turn-based. Il faut aimer ça. Moi, j'aime le turn-based. Ouais, ça, j'ai trouvé que justement, ça manquait un peu de dynamisme, tu sais. J'ai trouvé ça un peu décevant dans cette approche-là. T'sais. Comme je dis, j'aurais espéré peut-être, il y a beaucoup de turn-based le moderne qui va arriver, quelque chose, les effets spéciaux vont être le fun ou des animations comme cool. Ça, c'est limite, là, tu sais, c'est pas super attirant en tant que tel au niveau vraiment de, pas. De tout non, ce qui est, non, parce que visuel, ça, là, ce qu'on voit présentement à l'écran, ça, c'est une partie typique, là. Ça, c'est une partie typique, là, ouais, c'est ton bonhomme qui tire des choses, hey, là. C'est ennuyeux. Là, l'ennemi va jouer sur toi. Ça brasse plus à Shining Force au Genesis. Ah, oh, je le ramène tout le temps. Fait que là, écoute, il y a beaucoup de parallèles que tu peux faire avec énormément de jeux, tu sais. Mais là, donc, ça, c'est quand même un jeu moderne. C'est un jeu de... On s'entend, ah ben 2015, tu sais. 70$. Oui, c'est un titre plein, donc ça coûte le prix d'un jeu complet. Wow. Ça. Puis, ben ça, je me dirais, OK, ça, il compense par le fait que tu as comme 6 factions, en fait. Tu as 6 races ou, on pourrait dire... 6 classes. Mais bon, pas classes, mais tu sais, c'est classe. Vraiment des armées, si on peut dire. OK. Au travers ces 6 armées-là, tu vas pouvoir jouer des scénarios, tu sais. La façon dont ça se produit, t'es comme à table dans un genre de conseil, puis là, il y a un nouveau roi, puis là, tu choisis ton personnage que tu vas jouer, qui explique, il dit « Dans mon temps, il y a eu une bataille légendaire, puis ça s'est passé de même. » Fait que là, tu joues ça. Là, tu joues cette bataille-là. Fait que là, tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu peux jouer genre des orques, tu peux jouer des nécromanciens, tu peux jouer des genres de paladins, tu sais. Donc, je dis, c'est 6 armées, ils ont des gameplays quand même relativement différents. Au look, c'est différent aussi. Leurs histoires sont différentes. Par contre, tu sais, ils se touchent tout au niveau du manque de dynamisme. T'sais. OK. Une des choses qui est vraiment très, très... OK. Non, mais une des choses qui est vraiment c'est pas chanté, très prenante, tu sais, on a vu des scènes, en fait, là... C'est qui pas étaient... avec des tricrines que ça arriverait, ça. Ben, écoute, il y a toutes sortes de créatures. Tu niaises pas quand t'es tricrine, tu vis juste 40 ans, genre, fait que pas de niaisage. Ouais, mais ça, je suis moins familier de ces races, sous-races de Donjons et Dragons. Puissante race. Mais, tu sais... Quand t'arrives aussi au début de la table, là, ça choque parce que t'as des personnages assis à table et tu dis qu'ils ont manqué de budget. Ils ont pas animé les bouches des personnages. Là, t'es assis à table, t'as un dialogue qui joue, les bouches bougent pas, tu sais. Wow. Ça, au début, j'étais là. Puis comme au PlayStation 2. J'ai même. C'est Bruno qui m'a envoyé le code. On a eu un code pour ça. Je disais, hey Bruno, le build est brisé. Là, c'est un build de debug. Là. Après ça, j'ai vu. J'ai dit, ben, je vais aller voir du monde en ligne, qu'est-ce qu'ils en disent. Puis. Ils disaient la même affaire que moi. Fait, ils ont vraiment, je pense, manqué de budget à un moment donné X. Puis ils ont juste décidé de ne pas animer ces cutscenes-là. Ça, c'est très décevant pour un jeu comme ça. Oh, autre chose que je pourrais reprocher, c'est qu'il y a énormément d'interfaces graphiques, des fameux menus. Là. Puis il n'y a comme pas d'intégrité entre tout ça. Ils passent d'un look à un autre. C'est comme s'ils ont pris un morceau de Heroes Might and Magic 2, qu'ils ont mis le 3, 4. Ouais. Mettons un DA comme Bruno, directeur artistique, ses yeux saigneraient parce que, tu sais, au début, il te montre des belles choses, puis c'est comme un vitrail, puis, tu sais, ça a l'air, tu dis, oh, il va y avoir une ambiance vitrail. Là, le premier menu qu'il te montre, il ressemble un peu à ça. Le deuxième, il n'y a rien à voir avec ça, tu sais, c'est comme une espèce d'affaire avec des taux dorés, tu sais. Ouais. Le troisième, il n'y a encore pas rapport avec ça. C'est comme, je sais pas, rouge vin avec du jaune. Là, t'es comme, il y a aucune. Tu sais, comme visuellement, tu peux pas avoir de cue, tu peux pas vraiment apprendre. Tout est spécifique. Puis il y a de la progression là-dedans parce que, en fonction de tes armées, tu sais, ton héros, dans le fond, qui contrôle l'armée, tu peux y apprendre des choses. Puis c'est complexe. Là, c'est une roulette. Puis ça ressemble pas à l'évolution que tu peux faire de ta ville, qui est comme une espèce de carte. Je serais jamais capable de jouer à ça. C'est très complexe là. À se retrouver. Tu sais, comme je dis, ceux qui connaissent la franchise, peut-être qu'ils naviguent là-dedans comme un pet. Mais moi, genre, j'étais comme, ouais, je regardais, tu sais. Fait que ça manque vraiment de fini, tu sais. Honnêtement, ce jeu-là me fait penser à un bug, pas un bug, mais un build de bêta. Ça a l'air d'un jeu qui est pas fini. Il se reprend au niveau du contenu, tu sais. Chaque armée a une campagne d'à peu près 5 à peut-être 8 heures si vous faites des choses à fond. Là. Fait qu'il y a quand même du bon contenu là-dedans. Mais il manque de polish, tu sais. C'est pas un jeu qui a une belle finition. Puis Hey, pourtant, dans le trailer, en plus, une des quotes, c'était « What a gorgeous battlefield this is! » Ben, tu sais, les backgrounds sont beaux. Les terrains, tu sais, la map qu'on explore est quand même assez belle, tu sais. Mais quand on est dans le terrain, c'est un peu mais le terrain de la game, ça avait l'air... Ben, il y en a pas mal. Les terrains sont divers. Les terrains sont plus beaux à Cold Rain, c'est-tu. Ouais, mais tu sais, il y a de la diversité, en fait, à... Il y a de la diversité de terrain, tu sais. Mais c'est proche de Tedford. Ils sont pas super attirants. Fait qu'on peut faire plusieurs analogies sur des régions québécoises qui vont fort probablement tout être plus belles que ce qu'on va pouvoir voir dans le jeu, tu sais. Mais comme je dis, il y a quand même un fond de profondeur dans ce jeu-là. Si vous y mettez, tu sais, possiblement que vous pouvez mettre des 80-100 heures. Il y a un multijoueur que j'ai pas essayé non plus. Ouais. Qui peut ajouter quelque chose. Fait que vous pouvez jouer des heures et des heures et des heures. Et d'ailleurs, selon moi, vous allez passer juste 25 heures à juste apprendre le jeu, là, parce que c'est pas facile. En fait, ça serait pour les vétérans de la série. Je pense ça. Que oui. Dans le fond, ma conclusion qui va arriver avec la note, là, c'est... Moi, j'ai donné la note de 3 sur 5. Parce ça semble que généreux. Ce livre, mais comme je dis, j'ai pas joué assez pour être capable de pousser à fond. Ouais. C'est sûr que ce jeu-là, il y a du contenu incroyable. Tu peux jouer énormément. Que les fans de la série vont trouver leur compte. Tu sais, il manque des éléments clés, là, je dirais, d'un jeu moderne. Puis ils n'ont pas mis vraiment de polish. On dirait que l'équipe avait un budget très, très limité. Je pense qu'ils ont peut-être réussi une prouesse dans le budget qu'il y avait. Ouais. C'est difficile à dire. J'ai pas vu combien d'argent il y avait, mais. C'est peut-être le projet qui se passait. Tu sais, comme, ça ah, fuck, peut, le boss est parti, peut-être. On engage un nouveau dos. Donc, passe-y, Might and Magic. Ah, je sais pas, mais. Mets des gars là-dessus. En tout cas, fait que pour moi, c'est décevant. Les nouveaux joueurs, je vous dirais, tu sais. N'essayez pas nécessairement la série. Si vous aviez besoin d'une nouvelle itération puis vous en mangez du Might and Magic, essayez-le. Il y a du contenu, définitivement. Tu sais, comme je dis, 6 armées. Dans les 6 armées, il y a 6 classes. Tu sais, les classes de Might et de Magic. Tu sais, mais vous allez peut-être trouver ça intéressant, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Mettons, à apprécier vraiment juste pour les connaisseurs. Connaisseurs. Bon. Ouais, les connaisseurs. Voilà, voilà. Bon, ben. Ouais, mais coudon. Moi, je vais enchaîner avec un magnifique jeu que sûrement plusieurs d'entre vous avaient joué quand vous étiez petits. Il s'agit de Astyanax au Nintendo Entertainment System. Oh, yeah. Ça, les petits amis, à l'origine, c'est un jeu d'arcade qui s'appelait The Astyanax. Ah ouais? Ça a été. Ouais. C'était très mais différent, l'épée? Bien sûr. Hein? Astyanax, c'est le nom d'un dieu grec ou mythologique. Là, mythologique. Le puis, dieu de Jaleco. Ouais, c'est ça. Ben, je vais en venir à Jaleco tantôt, mais ouais, ça a été publié par Jaleco. Puis ce qu'il y a de le fun avec Astyanax, c'est que, mettons que tu es au pawn shop ou au marché aux puces, tu checkes les jeux. Tu sais, les jeux de Jaleco sont tous. La jaquette est blanche, tu sais. Puis tout le temps écrit fucking Jaleco sur la tranche. Puis les jeux sont tous classés comme en pain, tu sais. Fait que tu vois juste les tranches des jeux. Fait que là, tu checkes les jeux, c'est quoi Jaleco. Ah, fuck, tu sais. Là, tu sors ça. Ah non, c'est Base Loaded 2. C'est tout le temps Base Loaded. Mais Astyanax, au moins, c'est écrit Astyanax sur la tranche. Fait que vous vous trompez. Je ne comprends pas, chers amis, en faisant votre magasinage dans les places pas propres. Et puis, ça a été développé par ICOM. ICOM, en fait, se sont spécialisés surtout dans le NES, TurboGrafx 16 et Arcade. OK. Je vais surtout parler des jeux NES pour vous rafraîchir la mémoire. Amagon, un de nos grands classiques ici à Retro Nouveau. Ah oui. Legendary Axe au TurboGrafx 16. Ouais, j'en avais parlé de ça. Tu as fait la quand tu avais obtenu la cartouche gratuite. Ben oui, on m'avait donné ça. C'est Olivier Boucher, je crois, sur Papa Cassette, en tout cas. Merci encore. Et puis, il m'a aussi donné Ninja Spirit. Quand j'ai jamais fait la critique puis que j'ai terminé, c'est bon, Ninja Spirit. Hey, c'est bon, tu dis, man. Mais hein, la musique était cœurante là-dedans. Je vais y revenir. Ben oui. ICOM ont aussi fait de Muffet Conspiracy, qui est genre Golgo 2 là, au NES. Ouais. Totally Rad, man. Caline, c'est un bon petit platformer, ça. Le tout-puissant Vice Project Doom aussi. Oui, bien sûr. Donc, ICOM, c'est une compagnie correcte, là, quand même. C'est pas à sous-estimer. Ils font pas de la cochonnerie, pantoute. Puis en font, mais pas juste. Pas juste. Amagon, ouais, c'est ça. Hey, non. Yeah. Amagon, là. Qu'est-ce que je voulais pas te dire? Il va falloir qu'il y ait une compétition d'Amagon ici, t'as vu. On l'a, en plus. Encore, tu l'as laissé, ton Amagon. Je le laisse ici. Tu le laisses ici. Dans l'espoir qu'il y ait une compétition Amagon. Ça va venir un soir qu'on sait qu'il n'y aura personne. Si tu veux t'arranger pour qu'il n'y ait personne. Ouais, non, c'est ça. Tu casses ça à l'avance. Jouer à Amagon sur l'écran géant. Fait que l'histoire d'Astyanax, c'était un jeune adolescent qui s'appelle Astyanax. Et puis, tu vois, à l'école, au lycée. Ouais. Et puis t'as des rêves, man. Un rêve qui est récurrent d'une fille qui t'appelle pendant que tu rêves. T'es comme Astyanax, Astyanax. T'es comme tabarnak. Tu rêves à ça tous les jours, tu capotes. Là, à un moment donné, tu marches pour aller à l'école. Paf! Tu transportes, man, dans un univers complètement ailleurs. Un univers gothique, médiéval, comme vous voyez à l'écran, avec des cochonneries. Il y a une petite fille qui s'appelle Cutie. Qui t'explique que la princesse Rosebud est détenue chez les méchants et blablabla. Fait que toi, armé de ton hache, la hache mythique, tu t'en vas faire tous ces beaux niveaux de action platforming là. Mais là, t'es en train de rêver, là. Ouais, mais tu sais, ton rêve, en fait, tu fais plutôt... Non, le rêve que tu fais, c'est la princesse qui t'appelle, mais à un moment donné... Hey, c'est incroyable, fait que t'as fait un rêve, puis à cause de ça, tu t'en vas risquer ta vie ben, pour la une fille, princesse à un moment donné, que tu connais elle garoche dans le vrai monde parallèle, là, dans le fond. OK. Là, Mais ouais, c'est comme connecté dans ton esprit, man. Caline. Parce que t'es astianax. Les ados prennent trop de risques. C'est clair. Fait que vous voyez ici à l'écran, ce qu'il y a de surprenant, je trouve, en jouant astianax, c'est la grosseur du sprite. Ouais, hein? Du sprite. Il est pas mal gros à l'écran. Et puis, l'environnement, il est pas pire. Tu sais, visuellement, je trouve que ça a bien de l'allure. La musique est bonne aussi, ça, c'est bien fait. À longue, par contre, au fur et à mesure que les niveaux avancent, les bébites sont redondantes. T'sais, c'est pas mal toujours les mêmes qui reviennent. Et puis, les niveaux, c'est toujours gauche-droite. Des fois, par en haut, tu sais, mais c'est rien. Les niveaux, la forme des niveaux aussi revient beaucoup. Tu sais, on vire pas fou là, avec la créativité là, là-dedans, je dirais. Ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, dans ce jeu-là, aussi cheesy que ça puisse paraître depuis tantôt j'en parle, mais l'histoire est bonne, tu sais. Ouais. Puis il y a des scènes entre les niveaux, okay, à la Ninja Gaiden, ah, qui sont pas pires pantoute, avec tous les personnages, ça parle, il y a des plot twists. Ah, ben, ouais, pas vraiment des grosses plot twists, mais quand même, il y a des affaires qui se passent. Seul bémol, par exemple, c'est que sont très longues les séquences. Ok. Puis, tu peux pas skipper. Ben, tu peux skipper en pesant sur Start, puis c'est, okay, fini. Mais moi, je veux les lire. Ouais. Mais le texte apparaît tellement doucement, ça te fait virer fou, man. Je te jure, tu vires fou. T'es comme, ah, je veux lire l'histoire, mais ah, ça va mettre trop vite. Ça va pas assez vite, tu sais. Même moi qui est un francophone, tu sais, ouais, genre, let's go, tabarnak, tu sais. En vrai. Ça roule pas, puis je veux savoir ce qui se passe, là. Des fois, je skippais, là, tu sais. Ben ouais, t'as pas le choix. Mais c'était bien fait, ça. J'ai bien aimé ça. Et puis, le gros défaut de ce jeu-là, c'est le hitbox. Ouais. La détection du hitbox, comme on dit. Ouais. C'est totalement random, là. Okay. Tu sais, les ennemis, t'es frappé dans le vide, genre, en avant d'eux autres. T'sais, tu t'habitues à la longue, tu sais que tu vas le copier pareil, là, okay, en frappant d'avance. Mais des fois, c'est ça, des fois, tu te fais frapper toi-même, là, tu rebondis, mais ah, tu te dis, Chris, je l'avais évité, je l'avais, là. Il n'est pas supposé me toucher, tu sais. Ça, c'est ça qui est dur à Astyanax. C'est quoi ton espèce de barre power ou je sais pas trop? Ben, en power bas? En bas, ça, c'est. Mettons ton tu donnes, épée? Ouais, quand t'arrêtes de fesser, ça, la barre en bas, elle monte. Okay. Fait que c'est comme si tu retiens ton coup, puis quand le prochain coup que tu vas donner, okay, ça va donner, okay, un grand coup. Plus fort. Fait que si tu punches tout le temps comme un malade, ben les coups vont être moins forts. OK. Puis là, en dessous, il n'y en a plus dans cette game-là, mais il y a de la magie. Okay. Y a trois sortes de magie. Moi, je m'en suis même pas vraiment rendu compte. J'ai tout le temps utilisé la fucking même. Et puis, ça faisait très bien la job. T'as un freeze. T'as un genre de des balles de feu qui partent dans toutes les directions. Et puis, des éclairs aussi. Une très grosse éclair qui consomme plus de magie puis qui fait bien mal à tout le monde. Ton arme aussi, il y a des power-ups que tu peux avoir. La hache de base. Si tu pognes la lance, elle va frapper moins fort, mais ça va consommer moins de magie quand tu vas en faire. Okay. Puis l'épée, c'est le niveau 3, elle frappe vraiment en forme, ça consomme beaucoup de magie quand tu fais de la magie. Puis pour pogner ces power-ups là, tu pognes ça dans le niveau, tu sais, avec la petite fille, elle réapparaît un moment donné en frappant une petite statue à la Castlevania avec les chandeliers. Okay. Puis c'est là que tu choisis là, ces affaires-là. Donc ça, j'ai trouvé ça bien, tu sais, c'est un petit ajout là. Tu sais, c'est pas des grandes options, là, mais c'est correct. Vous voyez ici à l'écran, c'est beau, quand même un manga. Ouais, là, ça comme look, j'avais pensé au Chevalier du Zodiac. Exact, fait. Exact. Ouais. Non, non, c'est très beau, sérieux. Ouais. C'est surprenant même la beauté des personnages là-dedans. Tu vois qu'il y avait de l'arcade en arrière de ça, puis Icom, ils ont travaillé là-dessus. Là. C'est vraiment bien fait. Mais tu sais, je regardais tantôt, tu montrais les. Je trouvais que ça avait pas l'air tête au niveau des sauts. Ou tu sais, non, tu décris un peu le gameplay au niveau de plus le ben, mouvement du personnage. C'est le platforming, il est pas si pire là. Tu sais, j'ai pas droppé dans les trous là parce que fallait que je sois précisément sur le bout d'une plateforme, okay, ou whatever. Mais mettons, il y a des ennemis, un ennemi flottant, un gros œil, un beholder comme on dirait, ouais, pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons. Ça flotte dans les airs, ça va super vite, tu sais, il va comme tellement ouais, vite que t'as l'impression que tu le frappes, puis il est supposé être frappé, mais il l'est pas. Là, il te frappe. Chris, c'est pas juste. Ouais. C'est comme c'est l'injustice. Là, c'est ça là, qui est tough là-dedans. Puis les niveaux qui vont en montant ou en descendant, comme fuck les ennemis, man, je monte. Ouais. Puis tout de suite, t'es rendu en haut, puis pas besoin de battre personne. Ah, ouais, là, okay. Tu peux faire ça. Oh. Mais il y a un niveau qui m'a vraiment, vraiment fait rusher, qui est le 4-1, il me semble, où est-ce qu'il y a des gros monstres qui sortent de l'eau. Puis là, tu peux pas vraiment les éviter. Puis à un moment donné, il y a trop de stock dans l'écran. Fait que je me faisais frapper, genre volais dans tous les sens. Ça, j'ai failli rage quitter, là, quelques fois à ce niveau-là. Je vous jure, tu sais, ça faisait quand j'avais joué beaucoup. Là, j'étais pogné là. J'ai arrêté pendant genre 4 jours. Là, quand je suis retourné, je me dis, là, si je le fais pas à soir, je lâche ce calice de jeu-là. J'ai réussi à le passer. Puis après ça, whoop, j'ai fini le jeu. Fait que c'est le jeu il est finissable, c'est pas si pire, mais c'est moi c'est ce niveau-là qui m'a fait rusher. Les boss ils sont vraiment beaux, vraiment gros, mais ils sont pas vraiment durs. Tu sais, ça, ça se fait très bien. C'est un jeu qui se fait bien, mais il faut s'habituer à ce que ça soit un peu tout croche. Ouais, parce qu'il y a quand même des bugs mentaux là-dedans, comme la détection de collision, ça a pas l'air terrible. C'est pas le fun, c'est pas le fun du tout, mais... Puis t'as pas un gros range non plus avec ton épée, là? Ben, vu que c'est mal fait, il y en a comme plus que genre le look de ton épée. Puis même si tu upgrades d'armes, le sprite de l'arme, il est pas plus gros, là, il fait juste comme changer de modèle, fait que ça change rien. Si, même si tu pognes la lance, elle a une forme d'épée, puis elle est pas plus longue, tu sais, c'est n'importe quoi. Fait que ça, c'est pour. Aïe, ça doit être ridicule, ça, quand il l'a dans les mains. Ben, c'est une lance grosse comme une épée. T'sais. Ouais, ben, c'est ça, là. Ben, c'est un peu laid, là. C'est pas c'est vieux, ça, là. C'est sorti au début de l'année, c'est pas mal, ce jeu-là. Fait que. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas vraiment cher non plus. Moi, si vous voyez ça, je recommanderais de le pogner, tu sais. Quitte à refaire votre frustration d'enfance comme j'ai fait, ça. Oui. Puis, c'est très faisable. J'ai été surpris que ça soit faisable demain. Mais c'est ça, c'est le gameplay qui va vous faire rusher là-dedans. Mais c'est un beau jeu, ça m'a surpris par la beauté là, des cutscenes et tout ça. Ça tu sais, il y a de la profondeur, là, bien plus que dans plusieurs jeux de NES de cette époque-là. Je l'aime, moi, la pochette. Ben, on l'aime toute, la pochette. Ouais. Les belles pochettes blanches d'un jeu. Jalico. Jalico. Avec le logo qui fait ça. Ouais, ben ça, c'est juste au Super NES. Ah, c'est tellement une belle ouverture. Là. Mais, hein. Fait que pour ce excellent Astyanax, semi-excellent Astyanax, je dirais, je vais donner un 3, hein? Ouais. C'est ça. Excuse-moi, je fais tellement mes affaires d'avance, là, je suis tellement un jour. Là, donne un 3. J'oubliais la note que je t'avais donnée. Un beau 3? Il y a plusieurs jours. Fait que 3. C'est bon, ça. Il y a du monde qui se dirait, Chris, c'est un 2, ça, ce jeu-là. Mais moi, je vous dirais, vous êtes pas assez patient. Ouais, ils ont probablement tous lâché au 4. Ouais, il y a du monde qui lâche immédiatement, tu sais, mais lâchez pas, là. C'est pas si. C'est un peu dégueulasse, mais tu t'habitues à ça, tu sais. Fait que c'est un jeu correct. C'est un jeu correct. Ouais, puis aujourd'hui, on jasait, puis on se disait que ça serait un bon nouveau patois à ramener en 2015 à Astyanax. Ouais. Tu sais, comme Astyanax qui a du trafic aujourd'hui. Ça serait parfait. Ça n'offense personne en plus. Ouais. Tout va bien. J'ai eu mon petit annexe de grosse journée à ma fin aujourd'hui. Des en meeting toute la journée. Qui a pu être Retour Nouveau 2015. Ouais, exactement. Alright. On est rendu à la pause? Non. Non. Il nous reste une petite affaire. Ouais écoute. Ah oui. Il nous reste une impression. J'vais aller chercher une bière. Bon. Alright. Impression sur Star Wars Battlefront, le bêta, monsieur. En fait. Bruno et moi avons eu la chance d'avoir un code et à l'avance puis ensuite pas mal tout le monde avait accès. Ouais, tout le monde avait accès à peu près une journée après. Ouais, c'est ça. Fait que, mais peu importe, on a pu essayer ce jeu en fait. Ça, ouais. C'est DICE, le studio qui nous a amené Battlefield puis Mirror Edge en fait qui nous amène ça publié par EA. Donc je sais pas si on peut voir les images. Ouais, je vous mets ça à l'instant. Super. Alors ça dans le fond là, c'est vraiment. À chaque jeu Star Wars qui sort, c'est comme une grosse fantasy de dire « Je vais-tu penser que je suis dans le film? » Ouais. Tu sais, on pensait qu'on y avait arrivé avec... Qu'on y était arrivé, genre, dans les années 90 avec X-Wing versus TIE Fighter, puis tu sais, comme le Battlefront. Ben, même les derniers Battlefront, moi, je me disais comme « on est pas mal là, là. » Mais là, on l'est en tabarnouche. Ouais, là, ça a pas de sens. Là, tout dépendant de la puissance de ton PC. Moi, j'ai essayé la version PS4, en fait. Ouais. Mais là, c'est du gros fantasme là, de Star Wars nerds là, de voir l'environnement qui s'anime devant toi. Oui. C'est tellement beau, là, tu regardes ça et ça a l'air pour vrai. Tu y crois, là, tu sais. Même les personnages, l'animation des personnages, là, c'est, ça n'a aucun sens. C'est vraiment beau, Ah oui, écoute... C'est fantastique, c'est là, ça, à quel point c'est beau. Pour l'instant, tu sais, ils n'ont pas débarré tous les modes, fait qu'il y avait juste deux cartes, si on veut, qu'on pouvait essayer véritablement. Ouais. Une qui était comme une activation, en fait, de points, qui était comme... Il y a des capsules pods. De sûreté, des pods qui tombent. Là, il faut aller les activer, mais... Donc, imaginez un capture de flag, mais plus dynamique, parce que tu sais jamais ils vont être où les flags. Exact. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a aussi le mode là, qu'on voit à l'écran présentement, là, qui est genre la bataille de Hutt. Incroyable avec les AT-AT Walker, qui dans le fond, si on joue l'Empire, ben là, il faut faire progresser les AT-AT. Ouais. Là, tu peux pogner toutes sortes d'affaires. C'est comme ça, définitivement, là, pour ceux qui ont joué à Battlefield, là, c'est son fils spirituel. Là, ouais. Au niveau de... C'est un first-person shooter. Tu peux avoir des véhicules, tu sais, puis les contrôles sont quand même vraiment intéressants. Ah oui. Tu sais, c'est tight, là, tu sais, tu regardes... c'est incroyable comment que le gunplay est vraiment tight, puis d'avoir tous ces sons-là, puis tout, ça rend le jeu tellement intéressant. L'audio, tu sais, la musique... L'audio était écœurant. La musique, là, ils l'ont joué ultra rétro, classique Star Wars. T'as l'impression que c'est un nouveau film, tu sais, ça donne envie que les nouveaux films ressemblent à ça, tu sais, quand t'as joué, tu sais. Ah oui, vraiment. Mais tu sais, ça, c'est juste un bêta, donc tu sais... on n'a pas encore eu l'expérience complète, là, t'sais, mais ça sent le... T'sais, tu vois que c'est un gros 3A. Moi, en fait, j'attendais de voir parce que je me disais, t'sais, c'est une affaire d'être beau parce que le jeu, il est vraiment... il est superbe. Là. Ça n'a aucun sens à quel point c'est beau. Puis, mais après ça, c'est que tu joues puis le gameplay, là, il est écœurant. Les contrôles sont super bons. Moi, ça m'a un peu fait penser dans un sens à Destiny, dans l'approche le gameplay, là. C'était un peu le même genre, tu sais, ça fonctionne vraiment, vraiment bien, c'est très fluide. Puis j'ai aimé les différents camps, puis l'intelligence artificielle. J'ai joué contre du vrai monde, mais j'ai joué aussi contre les bots. Ouais. Puis les bots sont vraiment très intelligents, tu sais, s'ils s'aperçoivent que tu es en train de camper, ben ils s'en viennent te chercher, puis ils se font vraiment une tactique pour t'entourer. Plutôt que tout venait dans un pain puis venait te tirer de face. J'ai essayé aussi l'expérience single player qui était offerte. Là. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Je suis mort, là. J'ai pas pu la compléter. Après ça, j'ai fait juste du multijoueur. Je voulais plus retourner au single, mais c'était bien fait. Tu as raison. Le AI était particulièrement intelligent par rapport à d'autres titres. Vicieux là, comme AI, fait. Parce que, tu sais, ils se mettent en gang contre toi, puis tu peux pas... Ils te mettent d'un coin, là, puis ils te roient, là. Ce jeu-là, c'est pas genre totalement la même affaire que d'autres jeux de la même compagnie, juste mappé Star Wars. L'engin, là. L'engin, c'est le même. Mais c'est clair que, tu sais, c'est une base de Battlefield, selon moi, là. Ouais. Par contre, tu sais, ils ont rajouté des trucs, comme t'as des espèces de rocket pack là, que tu peux avoir pour jumper... plus haut, tu sais, comme t'as les armes Star Wars qui ont le feeling de laser, tu sais. Fait que je suis d'accord avec toi. Si vous avez joué à Battlefield et que vous aimez Battlefield... Ils n'ont pas inventé un engin pour ça. Non, c'est, ça, c'est clairement un inspiré. Mais c'est correct parce que Battlefield, c'est un des bons engins, tu sais, de first-person shooter. Sur console aussi, j'ai bien aimé l'assistance au tir, tu sais. Il y en a juste un petit peu, mais pas trop. Ouais, c'est pas trop. C'est pas. Ça colle pas, en fait. Ouais, exact. Ici, on voit qu'on est dans un TIE Fighter, puis ton but, c'est genre d'aller péter des. Genre kamikaze style aussi. Là. Fait que tu peux péter les grosses structures de tes ennemis en allant crasher dedans. Là, c'est qu'à la limite, même, tu sais, juste pour du fan service. Il n'y a jamais eu un jeu dans lequel tu peux autant vivre l'expérience Star Wars que ça. Moi, c'est juste pour ça que j'ai le goût d'y jouer. Parce que je ne sais pas à quel point... Je ne suis pas vraiment le public pour les jeux multijoueurs en ligne, tout ça, comme Destiny. C'est pas mon truc, mais juste ça, de vivre l'expérience Star Wars là, là-dessus, c'est fantastique. Ah, ben tu sais, le look, c'est comme quand tu sors de la caverne, justement. C'est pareil comme l'Empire contre-attaque au début. C'est vraiment très, très bien fait. Puis même le bonhomme, je me souviens plus de son nom, puis présentement, il y a plein de geeks qui capotent parce que j'y arrive pas. Non, celui qui est comme... Han Solo? Non. C'est comme... C'est un martien, il est rose-rouge, puis c'est lui qui te donne tes briefs. Il est justement dans Star Wars, c'est lui qui donne le brief à Luke Skywalker. Paperboy. Paperboy. Moi, je sais, puis t'as raison. En tout cas, il est là, puis il donne ton brief. C'est la même voix, puis visuellement, c'est vraiment impressionnant parce que comme c'est pas un humain, c'est fou, ça a l'air vrai. On dirait que ça a été filmé, tu sais, parce qu'ils ont mis un fil dessus, puis tout. Mais en tout cas. C'est vraiment incroyable. Ça a l'air du petit hologramme que tu sais, comme tu peux voir dans Star Wars. C'est, ils ont gardé cette espèce de noise de ligne. Ah oui. C'est genre. Ouais. Ah, puis c'était écœurant aussi, moi, à un moment donné, tu sais, il y a un AT-AT qui arrive. Puis j'étais en dessous d'un pont, une espèce de grotte en pierre. Puis à toutes les fois qu'il faisait un pas, il y avait des roches qui tombaient, puis il y avait de la poussière qui me tombait à côté. Tu sais, comme c'est tombé hot! C'est comme plein de petits détails, là. C'est vraiment impressionnant. Ben en fait, fait que moi, je trouve, sérieusement, j'étais pas sûr que j'allais l'acheter ou pas. Puis ça, en tout cas, le bêta m'a convaincu, là. Ouais. Selon moi, c'est un... On savait que c'était un des gros titres de l'automne. Mais là, d'avoir joué à ça, juste le feeling de nostalgie. Là. J'ai juste hâte de voir la campagne single player. C'est complète. Ça, parce qu'ils disent que la campagne va vraiment valoir la peine. Ouais, là, c'est fait ça. Que... Fait que là, c'était du multijoueur puis du wave base, en fait, ouais. Le single player. Fait que ouais. Ouais, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Mais tu sais, tu peux voir le menu quand même. Il y a quand même pas mal de stuff. Ouais, là, tu peux débarrer beaucoup de costumes que tu n'avais pas accès dans bêta. Ouais. Fait que, ouais, c'est une belle affaire à checker. Ouais. Moi aussi. Bruno, c'est pas de Amiral Akbar. Oui, merci, c'est ça. Merci à la chatroom. It's a trap! It's a trap! C'est mon ami. Ben oui. C'est là-dedans, et voilà. C'est qui le bon champion qui nous a dit ça? C'est Flynet QC puis X-Wing, justement. Ah ben cool, ah, Flynet. Il est cool as ice. À quand un nouvel épisode de la commission des Geekers? Ouais, à quand? À quand? Ça manque. Fait que c'est ça, fait qu'on s'en va à la pause sur ça. Puis on va revenir avec une excellente discussion. Et une belle chronique Fun Facts que j'ai hâte d'avoir. Ouais. Seb Brutal a beaucoup aimé la dernière avec les objets louches. Ouais. À la demande générale, je ramène la même chose. Exact, on repart en objets louches. C'est tellement hâte. Pause et puis on vous revient. All right, à tantôt. Yes. Ah, voilà. Oh boy. Je voulais juste dire, avant qu'on commence, que tantôt, j'ai mentionné la municipalité de Coleraine. Oui. Donc, ça, c'est juste à côté de Black Lake. Il est juste à côté de Thetford Mines. Et j'ai vu l'autre fois qu'un band, je pense, métal québécois qui s'appelle Coleraine. Oui. Quand j'ai vu ça, j'étais « Oh my God! » Tu sais, il y a un band qui vient de Coleraine qui s'appelle Coleraine. Peut-être qu'ils viennent pas de là, mais qu'ils trouvent le nom cool. Ben, peut-être aussi, tu sais. Oui. Mais en tout cas, bravo. Bon choix de nom. Ben, bravo. Parce que, tu sais... Je sais pas si tu sais, mais... Black Lake, ça aurait été quand même assez violent. Of Montreal, il venait pas de Montréal, tu sais, j'étais comme... Ça, j'étais terriblement déçu. Qui ça? C'est quoi le nom du band? Of Montreal. Ah ouais. Of Montreal! Ah, il y a pas aussi le band techno, ben électro dans le temps, qui s'appelait Boards of Canada. Ouais, c'est un band européen. Ouais, eux autres aussi. Je pense que c'est un band anglais, hein? Ou quelque chose de même. Je sais plus d'où ils viennent. Ça s'appelait Birds of Canada. Il y avait même une pochette. Ouais, c'était correct. Puis il y avait une pochette avec des gars avec des casques de skidoo. Je disais, wow, man, next level. Cool shit au Canada. C'était zéro canadien. Ouais, mais les bands canadiens qu'on a qui sont bons, il y a comme Nickelback. Font ça pour le prestige. C'est genre. Simple Plan, Nickelback. Ah, écoute. Des discographies complètes de ça. On a Alanis Morissette. Ah. Oui, hein. On a Chose, là, Cochrane. Life is a Highway. Ok, je pense. Edith Cochrane. On l'a, elle aussi. Elle chante pas tant que ça. Non, mais quand il faut. Elle est là. Elle est toujours là. Elle est dans les enfants de la télé, là. Oui. Elle fait des gags. Moi, j'étais à l'école secondaire avec elle. Ah ouais? Et au cégep à Marie-Victorin. Caline. Shout out. Wow, man. Wow. Elle connaît bien comme faux. Avec le crew d'impro de Frédéric Barbouchy. Pas bien comme faux, mais je connais un petit peu de l'époque. OK. Elle faisait-tu des gags? Ouais, mais elle faisait de l'impro, en fait. Ouais, mais elle était solide. Quand je travaillais, c'était juste pour rire. Drôle, tu sais. Elle était tout le temps dans les affaires d'impro. Je l'ai même mis sur l'affiche d'impro. Ah ouais, ouais. C'est rare, il est. Pas hésiter une seconde à la mettre direct sur l'affiche. Wow! Je l'ai close côté puis tout, là. Nice. En Photoshop, très proche. Hey, méchant statement, ça, là. Ouais. C'est fort. C'est très fort. Toi, dans la hiérarchie, toi, tu connais un lutteur professionnel. Je connais une star de la télé québécoise. Puis lui, il a côtoyé tout le monde vedettariat du Québec de musique. Les drogués, là. Les 11 dernières années. Les drogués. Les drogués, là. Ouais. Tu as habillé des musiciens, des comics, c'est-à-dire. Ouais. Ouais. Sur Photoshop. C'est fantastique. Ouais. Ah ouais, Christopher Williams, là. Christo Man. Le Christo Man. Ça a été un de mes premiers beaux projets que j'ai fait. C'est juste pour rire, ça. Les mercredis, juste pour rire avec Christopher. Ah oui. J'avais ton affaire, là, qu'il y avait du. Ouais, il y avait du motion blur là-dedans. Oh chose, oui, il y en avait une chier, mais ça faisait quasiment l'air de Hot Wheels. Ben, c'est un de mes projets. Je vais m'en rappeler, c'est un de mes projets forts, ça. Ouais. J'ai bien aimé ça. Fais-tu encore de quoi, lui, Christo? Lui? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de tout le temps quelque chose. Je ne sais pas. Ben, oui. Mais c'est ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait présentement. Hey, la dernière affaire, j'ai découpé à Musique Plus. Ouais. C'était Kim Kardashian. Ah non, man. Ça voulait dire qu'il était temps, tu sais, que tu passes là. C'est la dernière affaire. C'était Kim Kardashian pis ses deux sœurs, là. Est-ce que tu l'as mis dans une machine à café, genre? Non, je l'ai pas. Non. Non, je l'ai pas mis dans une machine à café. Bon. Toi, t'as-tu ton gag, la machine à café des Kim Kardashian? Tellement ri. Tu as le flux café. Ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Ah, sac. Oh, ouais. Bon, aïe. J'en souviens pas, mais comme j'aime ta couleur café, c'est resté, là. Ça, c'est le genre d'affaire, justement. Tu t'en vas pisser à 3h du matin, puis t'as ça dans la tête. Et tu comprends pas pourquoi. Là, tu dors plus après ça. Ouais, je comprends pas comme j'aime ta couleur café. Ouais, mais là, j'ai juste dit le titre, mais c'est sûr que tu l'entends dans ta tête. Ah, je l'entends clairement. Ouais, c'est ouais. Comme... Elle te lâchera pas. J'aime ouais. Ta couleur. J'aime ta couleur café. C'était succès. Vraiment bon. Ben, c'est un succès, tu sais. Si on ouais. S'en rappelle aujourd'hui, ça fait comme genre 20 ans. Ouais. Shout out à cette band inconnue. Si vous connaissez ça dans le chat, allez-y. Ouais, allez-y. On a aucune idée. Ah, ils savent, c'est puis, s'ils savent pas, ils vont checker sur Wikipédia. Ouais, c'est ça. Allez sur YouTube, ces hits vont monter. À soir, là. Ouais, là, le vrai, là. 30 views, oh, un dislike. Yeah. On s'achète un dislike. Un dislike. Un dislike. Fuck. Le disliker est revenu. The disliker. The disliker. Hey, on devrait faire une pochette de jeu genre. Everything. Tu sais, Xbox 360 avec le titre The disliker. Parce qu'il y a du monde qui nous dislike et du monde qui disent qu'on fait juste chier sur Microsoft alors que c'est totalement faux. Ah ouais. Mais ouais, the disliker. The disliker. Ça serait utile. L'Undertale, c'est genre above trolling. Sa pochette, juste un gros thumbs down là, tu sais, ouais, avec une main ça. En feu là, tu sais. Yes, thumbs down. Alright. Hey, let's go. Hey, c'est pas facts. Tout ça, il est fun facts. Oui. Et à la demande générale pour les fun facts cette semaine, je ramène mon top 10 de marchandises louches de jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de bruit sur Twitter. Les gens m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié. Fait que j'en fais un autre top 10. Encore une fois, il y a pas d'ordre, là, c'est juste 10 items que j'ai trouvés sur le net. Let's go. Alors, en 10e position, on va y aller dans les costumes d'Halloween, vu que l'Halloween s'en vient. Ben oui, festif. Position numéro 10, ce costume très louche d'Halloween sexy de Mario et Luigi. Ah, calvaire. Avec des moustaches. Bon, mais les moustaches me troublent un peu. Ah, ben mettons des enlèves, là. Ben c'est déjà mieux, tu sais. Mais quand même, tu sais, je... Ben, ouais, c'est genre de gaming que tu vois au village de valeur. Il y a une version slutty de tout, en fait. Oui, mais... Ça, moi, genre, je c'est... trouve pas si pire. C'est pas si révélateur que ça. Là. Moi, je trouve ça bien. Là. Ouais, ouais. Attends que ta fille grandisse, man. Tu vas voir. Moi, là, je magasinais ben, des... Si elle fait des, la pièce en étant modèle de package de soupe de Mario cheap au village des valeurs pour payer ses études... C'est vrai. C'est vrai. J'aime vraiment pas ce que tu dis. Pense à la prochaine. Moi, j'ai pas de fille, fait que j'aurais pas problème là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai autres fille, checkaient ça. On cherchait un costume, justement. Genre, on cherche un costume de chien. Elle va dire, ah, il doit avoir un costume de chien cute. Non, slutty dog. Pour les petites filles de 7 ans, genre, il y avait des slutty dogs avec une mini-jupe et tout le kit. Ah, là, c'est comme sacrément. Là, tu ouais, checkes le saut de ça. Police. Slutty police. Des versions slutty de toutes. Il y avait même un slutty Yoshi, man. T'es pas sérieux? Oui! Slutty Yoshi! Oui, t'avais comme Yoshi. T'avais comme une espèce de petite boule pour sa bedaine avec la queue en arrière, mais en dessous, c'est une fucking mini-jupe oh encore! Non, avec des mini-jupes pour toutes! Tu sais, si ça avait été Birdo, j'aurais pu comprendre, mais Yoshi. Birdo. D'ailleurs, Birdo. Mais encore là, des. Dit, ça, des Birdo? Ouais. Je sais pas, je m'en rassure. Peut-être. On l'a Birdo, pas c'est. C'est dans Mario 2. Là. C'est dans Mario 2. Tu savais que Birdo, c'est un nom. La femme rose qui hein? Pitch. J'ai... Hein? Ben non, elle a Birdo? Une petite, non. Une petite pourquoi boucle la petite boucle? Exact. Birdo, là, c'est un. Elle a un troisième sexe, là. On n'est pas certain c'est quoi exactement. Eh ouais, on regarde ça pour un prochain fun fact. Ok, mais je vais le noter prochainement. Birdo, ah ouais. Là, c'est pas ce que vous pensez, genre more than meets the eye. Oh shit! Hey. Dinosaur in disguise. Birdo tout. Mais si on veut rester dans les costumes d'Halloween de jeux vidéo, mais oui. En sortant le slottiness, le sexiness, on peut se dire que j'en rush, tu sais. Oui. Ou en rush spatial d'homme, gros fan d'astéroïdes ah, que oui. Tu es là. Ah oui. Le costume d'astéroïde ici. Tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça, sacrément, là? Je comprends rien! C'est un astéroïde! T'es une grosse roche! Wow! Avec ouais, ça. Mais ça va se ça! Tu mets tes bras dans c'est, deux c'est trous! C'est comme un genre de Stupid de, comme mask. Un chandail avec un masque! T'es comme wow. Une grosse roche, là! Aïe, ils ont vraiment man. Sorti un costume d'Halloween d'astéroïde. Hey, les gens chez Atari, là, avec la photo triste, t'avais trouvé l'autre ouais, fois. Ouais, c'était ouais, à côté. Attends une minute, le masque, c'est la face d'astéroïde. Aïe, ok, wow. Ça, c'est le masque. Oui, c'est le masque. Je pensais que c'était le body. Ah, ça, c'est le masque. Ah, ça, c'est le body. Mais ça, dans c'est face. C'est dégueulasse. Ah, le body, c'est un genre de t-shirt écrit astéroïde dessus. Avec une jaune pochette. Puis dans le face, c'est un gros masque de ventouse de dégueulasse. Aïe, voyons donc. Alors, je l'aime. Tu sais, imagine, faut que le monde devine t'es quoi. Ah ben non, oublie ça. Non, mais c'est marqué sur ton t-shirt. Un poster d'astéroïde avec un gars qui a ben de l'acné. Sinon, mais pour les filles, il y a toujours la robe Tetris avec les blocs. Tu vises la Tetris encore? Ouais, non, mais les blocs se bougent. Fait que ça, c'est cool quand même. Les blocs se bougent. Ah, tu peux déplacer. Mais comment t'es fait descendre? C'est encore plus inapproprié. C'est tellement ça encourage le touchage. C'est sûr que les gens, ils vont avoir un flat boy sous dans la soirée. Dans un party aux heures du matin, tous les blocs dans un bol. Puis allez, collez-moi les blocs dessus. Ah, si bol. Très, très louche quand même. La fille t'a dit d'arrêter de la regarder. Tu fais comme Chris, je regarde la game. Ta gueule, je regarde la game. C'est tellement inapproprié. Sinon, j'ai quelque chose. C'est épouvantable. Pourquoi tout est sexy? Je suis d'accord avec toi. Pourquoi tout est sexy? Mais c'est tout est sexy. C'est vrai, c'est le 31 octobre. Ouais. Il neigeait dans notre temps. Mais ça, c'est pour les parties à l'intérieur. Là. Ouais, ouais, c'est ça. On n'est pas invité à ça. À l'université. Non, toi, t'es pas là, là. Toi, t'es dehors avec ta fille. T'es pas, t'es pas là, genre. En train de passer leur non. Le party, non. Non, j'ai pas été. J'ai poursuivi le mémo. Ah, tu l'as pas invité, Bruno? Oh. Sinon, en 16e position, mesdames, pour les fanatiques de Diablo, des boucles d'oreilles en mana et en elf comme ça. Ça, c'est cool. C'est cool, mais ça doit être vraiment pesant, maudit, ces oreilles, je pense. Ça n'a de l'air. Ça a l'air assez massif. Ouais. Surtout que ça paraît pas, mais ça fait 3 pouces de large. C'est ça, là. C'est gros comme des labattes. Des petites gourdes, mon gars, c'est des bouteilles d'orangina. Ça ressemble un peu en effet. Ouais, hey, ça, ouais, ça a l'air le fun. Prochain truc, des années 90, il y a eu, j'imagine que vous vous souvenez des vitamines pierre à feu. Eh ben oui, ben, ben, c'était tellement bon. Il y a eu un équivalent Pac-Man, dont la quote était Goodbye Fred, hello Pac-Man. Fait que, salut Fred Caillou, c'est Pac-Man. Oh, wow. Hey Colin, en plus, il y avait un gros rabais, tu peux ça 35 cents. 35 cents. Hey, 35 cents dans le temps, c'était quelque chose. 35 cents sur la pièce. Ouais. Fait que Pac-Man s'est rendu jusque dans les médicaments. Wow. Ce qui est pas fou, il mange des pelules. Fait que ben ouais, c'est ça, ça marche. Peut-être le meilleur concept même que les pierres à feu, je pense, là, d'avoir mis Pac-Man. Ben, il y a eu des céréales pierres à feu aussi en passant. Des céréales? Mais c'était pas bon. Ça s'appelait les Pebbles. Ouais, c'était pas très bon. Mais les céréales Pac-Man étaient bonnes en os. Il était écœurant. Moi, je gardais tout le temps guimauve. Moi, j'ai essayé. Ouais. Je mangeais toutes les boules. Mais il y avait moins de guimauve dans les céréales Pac-Man. Ouais, j'avoue que les Lucky Charms sont crissement next level côté quantité de guimauve présentement. Ah, moi, ça me dégoûte ces guimauves-là. Ah non, ouais, moi, j'aime Pac-Man, ça. Je les enlevais, tu sais. Je trouve ça. Pas bon. Colin, t'aurais dû me le dire quand on était kid. Mon lait était rose. Regardé, là, moi, ben oui, je t'aurais demandé de me faire un sac de Ziploc. Ouais, c'est ça. Donne-moi tes Pac-Man. Ah ben, t'as Colin. Si on reste dans les produits dérivés de Pac-Man, ils ont sorti, je pense que c'est récemment, des energy drinks de Pac-Man aux fruits. Oui, monsieur, oui. Ah ouais? Ouais. Puis là, quand je cherchais les images comme ça, je disais c'était approprié. Il y a des gens qui disaient, oh, je l'aime beaucoup, j'en bois 4 par jour. Tu bois 4? Ah, energy gens, drink par jour! Déjà qu'il y a un par jour, c'est comme pour ça, je trouve. Violent sur le corps, là, ah oui. Fait que si vous envoyez, dites-moi si ça goûte bon, là, je sais pas. À l'intérieur, la vessie est détruite. Restons dans la bouffe. Pour la mauve. Pour la position numéro 4. Ça, je suis un peu déçu de Zynga, là. La crème glacée Farmville. Quoi? Ça, c'est une association entre Zynga et 7-Eleven. Là, je leur avais redonné des points pour le jeu Mountain Gold Mountain, mais je vous les enlève vos points que vous avez donné à Zynga. C'est pourri, ça, là. Hey, Farmville. Faut vraiment que t'ailles loin. C'est-tu comme la saveur de chou et de carottes? Non, mais la... Ta saveur de déception. Natural and artificial flavor. Vanille, ils disent pas. Taste the deception. Mais ça, là, c'est juste tellement... Disliker. C'est tellement... tellement wrong pour leur player base, là. C'était ça veut dire... C'est qui joue ben, à nos jeux? Base. Il y en a rien à foutre. Non, mais ils vont acheter ça. Il y en a énormément. Ils jouent à ça. Oh, mais ça veut dire. Ben, ils disent c'est les enfants. Non. Ils disent le c'est monde qui nos sont joueurs. Seuls, puis c'est qui vont chercher la crème banc, glacée le vendredi. Qui mange la crème glacée en jouant. Une main, ils mangent la crème glacée. L'autre main, ils jouent à Farmville. Ouais. C'est pas cool de dire ça. C'est pas cool. Et en plus, t'arrives à la caisse, puis t'as des cartes Farmville, puis des cartes Facebook que tu peux acheter. Fait que je suis sûr qu'ils s'achètent un combo carte Farmville. C'est marqué en bas Earn Play, fait que je sais pas si. Earn Play? Ouais, peut-être que tu vas acheter. Tu manges la crème en glace. Ah ouais, tu l'achètes puis t'as des points pour mettre sur Facebook dans ton hack. Ah, c'est génial ça. C'est génial. Finalement, c'est au génie. Hey. Ben, au génie, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Je suis pas sûr de. Personne n'a besoin de ça. De la crème glacée à vanille, de la crème glacée à vanille. Voyons donc, Quaticook. Ah, la Quaticook. Quaticook, la meilleure. En position numéro 3, Dom, quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. Ah oui, hein, tu m'en as parlé tantôt, j'ai envie de voir ça. Ouais, un jeu de société de Zaxxon par Milton Bradley. Oh, wow. Ça a l'air compliqué. Ah, il est pas isométrique. Ça a l'air compliqué et pénible à la fois. Ouais, hein. Mais j'aimerais ça l'avoir, par exemple. Il est beau. Ouais, là, ici, ils disent dans le juste coin que tu peux jouer de 7 à 14 joueurs en même temps. Ah. 14 joueurs sur une société. Imagines-tu quand il y a du monde? L'anarchie. Je m'attends à ton tour. Ça a l'air pète en maudit. Caline. Mais c'est joli. C'est joli. Je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. C'est pour un shooter. T'sais. C'est 7 à 14 ans. Non, ah, 7 à 14 years! J'ai mal lu. Wow! J'ai lu que player 2 à 4 players en dessous. On a comme été flou un peu. C'est à cause qu'on est mono, je suis fucké. Tu rêvais que ça joue à 14. Imagine, tu joues à 14 à ça. Imagine la partie chaotique. Les claques à la gueule. Tout le monde se bat pour avoir le tank d'essence. Là. Comment? Ouais, joue! 14e joueur, t'es curé. C'est ça! J'aimerais ça à la gauche ou à la droite? En position numéro 2, je peux pas vraiment être contre ça, même que je trouve ça cool. Des pantoufles du P-Shooter dans Plants vs. Zombies. C'est hot, ça. Mais je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de trou au bout. Ben, ouais, j'avoue que. Ben, t'aurais pu prendre ton orteil, tu sais. Ouais, mais le P, ça aurait pu être ton pied. Ton orteil. Tu sais rien de tes orteils. Ouais, je sais, mais faut un peu de fantaisie, là. Ben, tu peux couper le bout noir puis avoir un trou. Ça rentre si la fantaisie t'en dit, pour ceux qui tout aiment, est possible d'inventer des peluches. Ben, tu sais, c'est de la marchandise qui est bien faite puis qui a quand même un rapport. Une marchandise qui est un peu moins bien faite, c'est la brassière Angry Birds ici, là. En position numéro 1, les affaires louches, là. Ouais. Okay, ça peut pas être un vrai produit. Ben, d'un, c'est dégueulasse puis c'est sûr que c'est tout party, ça, c'est là. Pas un vrai produit. Check le Angry Birds. C'est plus un horny bird. Regarde ouais, à gauche, ça. Là, il est comme... Ouais. Il l'a en ligne en hostie, là. Non, mais Piggy a toujours été louche, mais là-dessus, il prend un sens encore plus... Piggy est incompris, en fait. Il y a des frisons. C'est quoi le message... Je savais même pas qu'il y avait un nom, cet oiseau. C'est quoi le message que t'envoies quand tu portes une brassière de même? Lance-moi des oiseaux, je vais te voler tes oeufs, je sais pas. Touche-moi pas. Je suis fâché, je sais pas. J'suis une casual gamer. That's it. Peut-être. C'était mon top 10 de cette semaine. Hey, c'était magnifique. C'était bien louche. Là. Bravo. C'était très louche. Il y a vraiment beaucoup de stock sur Internet à trouver. J'en trouverai certainement d'autres. Ah, il faut que tu continues là. Ça. Moi, j'en revenais pas. J'ai jamais vu une guenée pareille. J'ai lu, là, puis j'étais comme, est-ce que je lis bien que c'est un costume de roche que je suis en train de regarder là? C'est littéralement une face de cratère. C'est juste une face de cratère. On dirait du corail, tu sais. Ça ressemble à... Tu sais, là, dans le show de... La pub de McDonald's qui avait été niaisée par Ario, la face de lune. Ça ressemble à ça littéralement. Pour ceux qui n'ont pas vu l'image dans le podcast. Ah oui, je me rappelle de lui. C'était le joueur du piano. C'était bon, ça. Ouais, si vous écoutez en audio, on vous invite à aller voir au moins le segment là, pour avoir du visuel de tout ça. Ouais. Alors, c'est ça. OK, la discussion d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est une très bonne idée que Nicolas a eue. Oui. Et ça s'appelle, dans le fond, les pires jeux d'une bonne série. Yeah. Hein? C'est comme les mauvais spin-offs, dans le fond, qu'on pourrait aussi dire. Ouais. Et puis... Il y en a. Il y en a quand même pas mal. Hein? J'en ai sorti une coupe aujourd'hui. On peut commencer ça. JF, t'es-tu prêt? Ouais, là, ça va être difficile pour moi, mais je vais essayer de vous suivre. Là. J'ai bien du visuel, bien des vidéos. On a 1, 2, 3, on fait a 6 en vidéo, puis après ça, c'était comme trop de vidéos, on avait peur que ça plante là. Il y a comme 6 vidéos, 15 overlays, fait qu'on va aller comme on est capable. Let's go. Fait que part le premier vidéo, mon bon ami. C'est quoi le premier vidéo? Castlevania Judgment sur Wii. Boy. Un jeu que j'ai jamais joué, hein? Puis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais l'acheter. Là. Puis ça, c'est genre 10$ au EB Games, mais j'attends qu'il tombe à 2. Moi, j'ai joué à Achète-le pas. T'as joué à ça? Ouais, j'avais fait la critique à Monsieur Nat quand c'est sorti. Puis écoute, c'est un jeu, vraiment misérable. C'est un style de jeu qu'on n'a pas besoin d'un Castlevania. C'est bien un jeu de combat, man. En plus, les personnages, personnellement, je les trouve dégueulasses, là, tu sais. Ouais, ils n'ont aucun hostie de rapport avec le look qu'ils ont dans les séries. Tu sens pas le lien avec la série, sérieusement. Non, c'est des shorts. Ouais, c'est ça, il y a des shorts. Ouais. De métal, tu sais. Ah non, c'est ça, puis un genre de petits coats, là, déboutonnés, là. Ah non, c'est gênant. Puis Grant, là-dedans, il est lettre, là. Grant, c'est le genre de pirate dans Castlevania 3 qui grimpe ses murs, là. Chris, il a de l'air de Voldo, man, de Soul Calibur, là. C'est dégueulasse. C'est une inspiration, Soul Calibur, si tu regardes ça, là. Ben oui. C'est un 3D combat avec des armes, tu sais. Mais c'est là aussi que tu te rends compte que Konami était. Il savait pas quoi faire avec cette série-là. Ah, mais pour c'est l'amener dans le 3D ça, tout ça, là, c'est... Ouais. Moi, ça, c'est épouvantable. Ça m'a mis ben down, cette histoire-là. Ben down, là, tu sais. Ouais. Mais au moins ça a été détesté de tous. Il y a personne qui a aimé ça, ce jeu-là. Fait qu'on n'aura plus jamais ça de notre vie, ça, c'est sûr. Non. Prochain? Ouais, Hotel Mario, en fait. Si vous êtes familier avec le Philips CDI, Oui, ça, c'est dégueulasse. En fait, il y avait un deal que Philips a aussi travaillé avec Nintendo pour développer une plateforme genre de CD-ROM, en fait, ouais. après l'échec avec Sony. Puis un moment donné, parmi tout ça, ils ont dit... En fait, c'est Nintendo qui ont crissé Sony dehors puis ils ont embarqué avec Philips ouais. pour faire la PlayStation. Et c'était ouais. supposé être ça. Fait que c'est ça. Mais, fait que CDI de Philips est une console pour laquelle il y a des jeux... officiel de Nintendo. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont licencié des jeux. Fait que c'est pas Nintendo qu'ils ont fait. Ils ont pas été impliqués, mais ils ont licencié ça. Ouais. C'est un third-party developer qui a été fait sous la tutelle de Philips. Puis là, ils ont sorti des horribles choses. On va en voir un autre tout à l'heure, mais celui-là, c'est Hotel Mario. Regardez ce qu'on voit à l'écran, là. Ah, les animations, c'est comme ça, pas de sens. C'est fait en Corel Draw. Les animations, là, c'est horrible. Puis pas juste ça, mais la voix de Mario, on en a parlé tantôt, il a l'air d'avoir un accent italien, genre de New York, genre, tu sais, mais gras, là, tu sais, de fumeur. Ah. On parlait tantôt une analogie un peu à Ron Jeremy, là. Il a l'air de ça, tu dis, hey, Luigi, what are we gonna do today? Ça ressemble vraiment à ça. Là. Vous aurez écouté un segment parce que c'est comme, tu dis, je peux pas croire mes oreilles. C'est pas Luigi, c'est pas Mario, c'est-à-dire, c'est pas. Pas le oh oh, wahi, yeah! Ouais! Ouais Charles, il pas encore là. C'est un gros vieux fumeur, là, tu sais, comme. Il tousse, là, mais là, c'était même pas comme dans le show Super Mario Bros. Qu'il y avait non, eu non, non, c'est Super ça, Mario ça Bros. 3, voir, là, ça n'a rien à voir. N'importe où, puis le jeu mais en tant que tel. Le jeu, quand même, lui-même, qui a aucun rapport avec ça, il me semble, qui est un jeu qui a de l'air d'un jeu de 16 bits, là. Ouais, c'est ça, il ressemble beaucoup à des jeux de Neo Geo, les petits puzzle platformers, là, qu'on c'est a. C'est ça, là, tu montes des étages, c'est tout ça, mais. C'est pas. Tu sais, c'est pas épouvantable. C'est pas bon, mais c'est pas comme lettre, là, à chier. C'est vraiment cette animation-là ben, qu'on vient c'est ça, voir. Toutes les cutscenes, ils ont juste pas de sens. Puis, mais aussi, c'est pas un jeu très, très profond, puis ça a rien à voir avec Mario. Là. Dans le fond, t'as snappé un nom de Mario sur quelque chose comme qui a absolument rien à voir. Là. Mm-hmm. Ouais. L'autre qu'on a dénoté, Mortal Kombat Special Forces. Oui. Fait que ça, c'est sorti au N64 puis au PS. Au PS1, il me semble. Alors, regardez ça. Quand tu essaies de faire de Jax un hero, là, ça n'a rien à voir avec la franchise. T'sais, c'est en horrible. Plus, Jax, horrible, c'est celui là. Qu'on a eu plus. Des armes. T'sais, c'est un platformer 3D, mais mal réalisé. Sérieusement, j'ai. Il y avait plein de problèmes dans ce jeu-là, oui, sérieusement. Moi, je l'avais loué, ouais. Puis tu pouvais pas passer. Je pense que c'était le deuxième niveau ou le troisième niveau, c'était comme impossible à cause justement qu'il y avait des bugs, il y avait de la mauvaise détection de collision. Puis en fait, quand tu étais en combat de même, c'était super compliqué de te battre pour aucune raison valable. Là. Mais ça, c'est les débuts du 3D. Le monde était perdu. Ouais, là. C'est des mauvais spin-offs. T'sais. Puis il y en avait un autre aussi, l'histoire de Sub-Zero. Là, qui a failli faire le cut. Mais celui-là est vraiment pire. Là. C'est injouable. Là. Honnêtement, si vous le voyez, achetez-les. C'est pour l'aïr. Ouais. J'espère qu'il est pas cher. Le regarder. Ça doit sûrement puis... pas être cher. Ouais. C'est un autre, en fait, un de mes favoris des pourris, tu sais. C'est Street Fighter The Movie, OK? Tout le monde aime ça, ce jeu pourri-là. Écoute, pareil. Oui, mais moi, j'ai... le frère de Pit Fighter. Ça te le prend, ça. Ça, là, exactement. C'était comme la réplique viscérale de Capcom à Mortal Kombat. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre du vrai monde dans le jeu, tu sais. Fait que ça, il y a eu deux versions, en fait. Il y a une version qui est sortie sur console. Je pense qu'elle était sur Saturn. C'était pas le même jeu que la version d'arcade. Moi, j'ai jamais joué à la version Saturn. Attends, ils ont fait ça à l'arcade? Ouais, ça, c'était la version d'arcade. Moi, j'ai joué pas mal, en fait. Puis c'était tellement brisé, ce jeu-là, que je me rappelle un moment donné, à la bonne vieille arcade de Terrebonne, où j'avais pris Ryu, puis quand tu prenais le Shoryuken avec le Low Punch, c'était possible de faire des combos infinis sur certains personnages. Je me sentais mal, mais tu sais, dans le temps, je travaillais fort mon 25 cents, tu sais, puis... Tu sais, genre de malaise que genre, ben, le gars, il peut plus débarquer ton combo. Il n'y a pas de breaker dans ce jeu-là. Tu peux juste genre faire des combos tout le temps. Puis là, tu regardes, c'est quand même Gal, tu sais, c'est Jean-Claude Van Damme là-dedans, tu sais. Tu sais, Balrog, si vous avez vu le film, tu sais, un boxeur qui a pas l'air musclé, tu sais. Non, mais c'est ça. Comme... Ils ont fait les personnages pareil comme dans le film, c'est-à-dire très laid, très, très poche, tu sais, Chun-Li en rouge. Chris, elle a un saut de bleu. C'était-tu si compliqué de trouver du tissu bleu pour mettre dans le film? Oh, on va en mettre rouge. Chris, c'est bleu, man! C'est quoi le but? C'est la Chine, c'est rouge, tu sais. Il y a plusieurs choses là-dedans, tu sais. Blanca, man, c'est une vraie farce dans ce film-là. Blanca, il est drôle. Dans le sim aussi, il n'y a pas rapport. Là, non. Ah ouais. Fait que tu sais, ce jeu-là... Ben, Honda était réussi, sérieusement, là. Ouais. Si on a à décortiquer, là. Ouais. Fait que dans ce jeu-là, en plus, ils ont mis du monde qui était pas dans le film, comme Blade. Tu sais, c'est comme un gars pas rapport, tu sais, comme un soldat de bison que tu n'as jamais vu, tu sais. Puis ils ont mis Akuma là-dedans aussi parce que, tu sais, ça, c'est sorti peu de temps après Super Street Fighter 2 Turbo. Akuma était un nouveau personnage qui essayait de pousser. Ouais. Ils l'ont juste plugué random. Aïe. Moi, je te dis, ça, là, c'est un guilty pleasure. C'est tout croche, c'est pas bon. Mais il y a un petit plaisir à jouer à ce jeu-là, tu sais. Le prochain dans la série de, ouais. en fait, de CDI de Philips. Impossible, il y en a eu trois, en fait, on a choisi le pire. The Wand of Gamelion, Zelda. Ça, c'est encore une fois. Oh mon dieu, ça, là. Tu sais, ça, là, c'est le cutscene du début, là. Ça, c'est genre, drôle, oh boy, là. I wanna. Tu sais, comme. L'enthousiasme de Link dans ce jeu-là est incroyable. Tu sais, je vous dis, regardez ça sur YouTube, là. C'est horrible, là. Il y a des ça. Lèvres de filles, en plus. Ah, ça a aucun sens. Puis le gameplay de ça, il ressemble un petit peu à, mettons, Link Zelda 2, dans le fond, mais en tout croche avec. C'est pas tight comme gameplay. Et on peut jouer. La seule addition qui est positive, tu pouvais jouer Zelda, en fait. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est comme du féminisme avant le temps que c'était populaire dans les jeux. Mais tout le reste, regardez ça. Ah ouais, ouais. Gardez Link. C'est over animé. Là, ah, Link, ce Link-là, en plus, c'est devenu un meme super fréquent. Ouais. Tout à fait. Fait qu'on peut les remercier d'avoir participé au programme Internet. Mais tout le reste, c'est genre, c'est désastreux. Nintendo, licencez plus jamais vos licences à d'autres third parties, ça n'a pas de sens. Ah, je pense que ça a compris depuis le temps. Là, ça m'épate tout le temps quand on voit ça, parce que quand tu regardais le artwork fait par les artistes pour ces jeux-là, c'était tout le temps super beau. Là. Fait que c'est surprenant d'avoir le coup d'aussi dégueulasse. Je ne sais pas comment ça s'est détérioré. T'sais, Nintendo licencie encore des titres comme par exemple les Mario Party, c'est Hudson qui les font. Ouais. Mais... au moins, ils gardent un peu plus le contrôle que ça. En tout cas, si quelqu'un a eu le contrôle là-bas, j'espère qu'il n'est plus en poste. Mais c'est peut-être justement que ça a servi par la suite à faire comme « Oh fuck, non, jamais encore, là, pas une autre fois. » Les gens dans le chat sont traumatisés par Zelda en ce moment. Ah ouais, il y avait du monde qui avait beaucoup de monde qui avait jamais vu ça. Si vous n'étiez pas au courant God, de l'existence de ça, là, allez voir. Il y en a trois, là, puis c'est tout semblable. Ça, d'ailleurs, si vous êtes collectionneur, ça vaut une petite fortune, ces affaires-là. Là, ah ouais? Bah ouais, c'est pas commun du tout. Là. Juste trouver un CDI, c'est vraiment pas commun. Là. Mais j'imagine que Nintendo a dû vouloir les racheter pour les brûler. Ouais, c'est ça. C'est des très belles pièces de collection à avoir, par exemple. Moi, personnellement, je m'agarroche, je me lance pas là-dedans, mais tu sais, c'est cool d'avoir ça. Là. Ouais. Ces affrosités, tu sais, du moment. Puis, un sur la liste aussi, Sonic, en fait, il y a eu plusieurs jeux Sonic décevants dans les dernières années, mais tu sais, Sonic the Hedgehog, la version 2006. Ok, je me demandais c'était quoi, là. C'est comme. Ils ont essayé de faire ça un peu plus, c'est comme un Final Fantasy, cette version Xbox 360. Aïe, aïe. Tu sais, ce jeu-là, ça n'a rien à voir avec. J'avais jamais vu ça. Tes plus grands souvenirs de Sonic, là, tu sais, ça va être ruiné par cette expérience. C'est tu sais, vraiment bizarre. À pas toucher avec un bâton de 100 pieds, cette affaire-là. Ah, mais il y avait comme une princesse au début, là. Mais tu sais. Il sauve une princesse. Bah, sûrement là, de la c'est romance, pas là-dedans, justement, qu'il l'embrasse. Oui, il y a une romance. Sonic embrasse une humaine. C'est vraiment weird. La zoophilie, c'est comme Howard the Duck, là. Tu sais, on revient là-dedans. C'est pas des thèmes qu'on aime particulièrement chez Retro Nouveau. Tu sais, on en ose plusieurs choses, mais ça, on aime les différences, mais. Ça, c'est, mais ça, là, c'est trop bizarre. Mais ils ont tellement essayé d'affaire avec Sonic à ce stade-là, ils savaient pas. Ben, ils savent même pas encore, mais c'est moins pire. C'est moins pire. Mais les Sonic sur portable, on en a parlé un petit peu. Là. Mais tu sais, je regarde Sonic ça sur portable, visuellement, sur iOS, c'est bon. C'est pas si pire visuellement. Non, visuellement, ils ont réussi. Ouais, mais on est juste comme fâché que ça soit Sonic dans ce style-là. Mais quand t'as l'histoire, tout c'était glauque, ça fonctionnait pas en tout avec Sonic. Ils ont essayé de rendre ça sérieux un peu, puis c'était moche. Là. Ouais. Ça aurait fonctionné dans un manga, en fait, mais le gameplay de ça était vraiment pas bon non plus. Ah non? Non, c'était vraiment pas bon. C'était vraiment, vraiment mauvais, ce Sonic-là. Ouais, ok. En tout cas, pas une belle addition, là. Non. Alors, on en a quand même une couple d'autres, là. Ouais, ça, c'est les vidéos. Là, on y va en pochette avec... T'es-tu prêt, JF? Vas-y, Dom! Ce fabuleux Mario is Missing. Oui. Un jeu que les gens veulent avoir dans leur collection de Mario. Quand même. Mais j'ai jamais joué à ça, moi, Mario is Missing. Moi, j'ai joué à ça. Je l'avais loué. Moi aussi, j'avais un bon souvenir de ça. Je trouvais que ça avait l'air plat. C'est comme, t'es Luigi, puis tu cherches Mario, puis là, tu rentres dans des portes, tu parles à du monde, tu sais, c'était pas c'est comme mauvais. Where is Carmen San Diego, mais Mario. Possiblement. C'est un peu ça, je pense. C'était un RPG, en fait. Ça, ou... C'est un jeu d'enquête, exact. Des indices, là. Moi, j'avais trouvé ça agréable, mais j'ai pas rejoué comme après, là. Mais à l'époque, j'ai pas trouvé que c'était si pire que ça. Mais il y a beaucoup de gens qui le détestent, ce jeu-là. Puis ouais. Ça a rien à voir avec Mario. Non, c'est juste. Ben, t'as des petites séquences que j'ai vu que tu sautes sur deux tortues un petit peu, là. Ouais, mais. C'est pas un jeu d'action de Mario. On pluguait ça pour que tu aies un feeling, là. Ouais. Tous les jeux qu'on nomme ici, tu sais, dans la prochaine batch, sont pas nécessairement tous hyper non, mauvais. Non, c'est ça. Mais, tu sais, des fois, c'est des twists comme un peu moins réussis, là. Genre, ça, c'en est un. Le prochain, c'est une de mes grandes déceptions, sérieux. Ouais. Jeff, c'est Yaiba, Ninja Gaiden Z. Ouais. Ça, man, c'était un jeu là d'une telle violence puis d'une telle beauté artistique, ben oui. Au niveau de l'animation puis tout ça. Je me disais, oh wow, man, c'est comme Ninja Gaiden, mais là t'es comme un méchant puis c'est beau puis ça gueule. Puis, ah, tu sais, c'est fou là. Ça je veux jouer à vraiment ça. Vraiment bon. Puis toi, t'as joué à ça. Ouais. Puis c'était comme pas bon. C'était vraiment pas bon puis c'était brisé puis en plus de ça, c'est tout était. Toi, tu passais tellement vite que t'avais vraiment ouais, c'est ça, rien. Tu t'avais pas comme pas de passait. Feeling, vraiment. Puis des fois, tu faisais des affaires puis tu comprenais pas pourquoi tu les faisais non plus. Ouais. Mais tu sais, toutes les mécaniques puis les trucs qu'il y avait instauré dans le jeu étaient super intéressantes. Puis pourtant, le jeu, il est scrap. Là. T'as pas de fun pantoute. Là. Ah, c'est tellement décevant. C'est ça, vraiment décevant. Moi, man, c'est un jeu next-gen, ça, que j'aurais acheté. Là. Ah, oh, moi, je l'aurais acheté. Puis en plus, tu sais, ça, c'était... C'est qui, là? C'était Suda 51 qui travaillait là-dessus. Ah ouais? Entre autres, je ouais. pensais que c'était Platinum. Ça a un look Platinum. Non, c'est ça, c'est pas Platinum. Ça, c'est vraiment Tecmo Koei. En fait, c'est Team Ninja. Ouais, c'est ça, Team Ninja. Ouais. Okay. Mais c'est ça, il avait fait appel à... je me trompe peut-être, il me semble que c'est Suda 51. Mais c'est ça, il avait fait appel à lui pour qu'il puisse réinventer un peu Ninja Gaiden. Au moins, y faire un spin-off, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ils ont essayé ça aussi avec Yakuza. Ouais. De faire un spin-off zombie, puis ça a été un échec monumental, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Le gameplay, c'est important, puis là-dedans, ils ont vraiment manqué leur shot. C'est dommage. C'est très dommage. Sinon, on va y aller avec un très grand classique, Pac-Man, Atari 2600. Puis qu'on parle de la série Pac-Man qui est assez vaste, mais ça, c'était un opus sur console assez... dans les débuts, là. Ouais. C'est de la vidange, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, le monde qui dit que E.T. c'est le pire jeu là, au monde, là. Pac-Man, là, Atari, Pac-Man, c'est calissement ouais. pire hein, en c'est passant. C'est le même gars, en fait, qui a codé ça. Puis cette affaire-là, ça a été codé en genre. Un week-end. C'est un port d'un programmeur. Oui, dans un week-end. Ouais. Ouais, il n'y avait pas le code source de Namco. Fait qu'il a juste reconnu Pac-Man comme il pensait. Puis c'était pas ça, pantoute. T'sais. Le layout n'a rien à voir. Il est comme large au lieu d'être. C'est en hauteur. C'est, ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir avec ça. T'sais, regardez le look. Là, l'autre, là, c'est vraiment, tu manges des rectangles. Tu sais, genre, ouais, des carrés, ça. C'est trop dur à faire, on va manger des rectangles. Puis, parce qu'il y avait de l'écran large. Mais c'est peut-être les vitamines Pac-Man, ça, que tu manges. Écoute, ah, ben, tu c'est manges, peut-être ça. Moi, voilà. Mais tu sais, la machine, elle fournissait pas non plus. Fait que les fantômes, ils clignotent constamment. Parce que t'étais pas capable de les avoir à l'écran tout le temps, tu sais, parce que ça tirait trop de jus. À rochette, fait que... C'est mais il aimait ça, les affaires larges plus, sur Atari. Ouais, il était y a beaucoup de jeux qui ont l'impression que c'est là, comme. C'était tiré. Mais ils étaient tous de la même couleur, les fantômes en plus. Fait que, t'sais, comme... ah, ça n'a aucune saveur. Ça n'a pas de cachet. Là, Binky, Binky, Dinky Sou, il n'existe pas. Là, non, genre, c'est dry. Il s'appelle Peachy, genre, il est tout pêche. Même sa pochette sont toutes de la même crise de couleur. Ils ont essayé de faire ça sexy, mais non. Ils mangent de la gomme, sa pochette. Ils ont juste raté. Ils n'ont pas eu le temps. C'était trop. Ils se sont dit, genre, c'est vraiment le corporate thinking tout croche de hey, Pac-Man, ça va se vendre, man. Ouais, ça pogne, là. On va prendre de la cochonnerie. On va sacrer ça dans une boîte et ça va se vendre seul, comme des petits pains chauds. Mais le pain, c'est que je suis sûr que ça s'est vendu super bien. Oui, mais ça a contribué au crash de 1980. Ça a choqué les gens, là, tu sais. Ce jeu-là, avec E.T., ont contribué au crash de l'industrie du jeu vidéo en disant, genre, OK, oublie ça, c'est de la cochonnerie, cette industrie-là. Ouais. Heureusement, il y a Nintendo là, qui est revenu plus en 85, mais il y a eu un genre de période où... Tu sais, puis là, t'imagines quand tu joues à l'arcade, tu sais, la version d'arcade de Pac-Man, de ça, t'es... T'as pas la même expérience. Ben non. Ça donnait vraiment le goût de te lever ton derrière, de sur ton gros divan, puis puis d'aller direct au dépanneur, man, investir un 2,50 parce que ça, ça le faisait pas. Puis c'était comme 100$ le jeu-là à acheter en plus. Ben, 100$, c'est peut-être un peu cher, là, mais disons qu'ils ont fait mal à leurs consommateurs. Il était presque 100$ en fait, au release. Lui, puis Q-Bert, là, il était le top price. Ça serait pas surprenant. Ouais. Je vais faire des recherches, mais je suis pas mal certain qu'à mon Zellers local, il était 100$. Ouais, ben là, si tu te fais crosser à Terrebonne, là, c'est pas de la faute à tout le monde. Alright. Un jeu qui a fait mal, man. Sinon, le prochain, un jeu fascinant. Ça s'appelle Street Fighter 2010 The Final Fight. Ah. Ça, c'est un jeu... La pochette était tellement cool. C'est un jeu de Capcom au NES, ouais, avec un soundtrack assez incroyable. Et puis, là, ça s'appelle, tu sais, Street Fighter The Final Fight. Déjà que Final Fight, tu sais, c'est comme Street Fighter, mais qui est parti dans une autre direction. Puis le personnage principal s'appelle Ken, tu sais. Hey, tu peux-tu comme fucker le monde plus que ça encore? Puis, mais tu sais, le gameplay est quand même pas pire. Personnage un peu dur à jouer. C'est pas un jeu, tu sais, dégueulasse, là. Non. Même que je te dirais que c'est plus tight qu'Astyanax, là, mettons, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un jeu qui avec des cutscenes aussi, puis c'est un jeu correct, là. C'est pas un jeu de grande valeur, mais c'est pas inintéressant, tu sais. Il y a de quoi en arrière de ça. Ça a rien à voir avec Street Fighter. C'est ça, il aurait donc dû appeler ça autrement. Mais oui. Puis ce jeu-là aurait jamais été la risée qu'il a été aujourd'hui. Puis comme l'Angry Video Gamer disait, il a fait une vidéo sur ce jeu-là. OK. Puis, tu sais, la vidéo, ça commence. Il est chez eux, il sort dehors. Là, il y a des bébites dehors, des affaires. C'est vraiment weird. Là, il regarde sa montre, il dit « Ah, c'est vrai, nous sommes en 2010. » Et c'est ça qui arrive en 2010. Comme dans le jeu Street Fighter 2010 de Final Fight. Tu sais, comme... Quand tu prends une date, là, prends une date loin. Ouais, prends pas une date qu'on va y arriver dans 10 ans, mettons. Voici là, centaine c'est d'années. Pas pourtant, ça le futur. Là. Capcom, il avait compris avec Megaman, genre. Ouais, ils ont mis XX. Ils prennent pas de chance. Même compagnie. Mais ça, je pense que c'est la. Ben, même à ça, XX, là, c'est maximum 2099. Ils vont tout être morts aussi loin que ça. Ils vont rire dans leur tombe. Ouais, c'est ça, exact. Nous autres aussi, d'ailleurs. Mais 2010, c'est ben trop tôt, là. Tu sais, je veux dire, Bad Religion, la Tomb 10 de 2010. Excusez-moi, tout le monde. Hein? Je voulais pas vous décalisser de même en disant qu'on va tout être mort en 2099. Ouais, ah non, on va être mort. Puis nos enfants vont être morts. Ah, c'est si bon! Comme toujours une coche de plus. L'important, c'est d'assurer la legacy, man. Comment est-ce qu'on fait pour assurer la legacy? Avec une collection de jeux vidéo. Exact. Qui prend des tonnes de valeur. prochain jeu, un de tes favorites, Nick. Megaman Soccer. Ouais, moi j'ai aimé ce jeu-là. C'est le fun, Megaman Soccer. Tu sais, Megaman Soccer, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Megaman, mais ça a un petit feeling un peu de, tu sais, je dirais de Super Dodgeball. Ouais, c'était arcade. Puis c'est ça, il y avait beaucoup d'espace pour bouger d'un personnage, tu sais, puis tu revois tous tes boss préférés. Ouais. Tu sais, c'était très, très léger. C'est sûr que c'est pas un Megaman, c'est pas un grand jeu. Mais moi, j'ai pas trouvé ça si tight que ça. J'ai joué au Funzo lors d'une de mes soirées thème Megaman. Puis, c'était en train de remettre en question mon souvenir de 1994? Faudrait peut-être que tu y rejoues, sérieux. Faudrait que tu réessaies. Ouais, faudrait peut-être que tu réessaies. J'avais trouvé ça très mais à l'époque, j'avais aimé ça. À l'époque, là, j'aurais dit, une excellente location, investis 5$ dans cette location sans problème, tu sais, mais... S'il est plus que 5$ aujourd'hui à acheter, c'est à considérer. Ah, c'est un beau jeu de collection. Là. Je pense qu'il est autour de 50 maintenant. Hey boy. Hey boy, OK. C'est un jeu que j'aimerais beaucoup avoir là, pour la forme, bien sûr. Mais non, c'était. Je trouvais du plaisir là-dedans. Là. Mais c'est sûr que, regarde, c'est un peu bizarre. Ça fait genre Monica, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Mario, il a réussi avec Superchargers. Là, fait que. Ouais. Ben, c'est un bel essai. Il manque un peu de. C'était avant Superchargers, je pense. Il me semble lui est avant Supercharger. C'est pas Strikers. C'est Strikers, en fait. Ouais, t'as raison. Mais ça, c'est... Ben non, il n'y a pas de Strikers au Super NES. Strikers, c'est apparu au GameCube. Ouais. C'était apparu au GameCube. Mais tu sais, moi, ça, Megaman, j'aurais aimé ça qu'il y ait des j'aurais aimé ça qu'il y ait d'autres choses, des spin-offs, parce que je trouve que dans Megaman, ce qui serait le fun, ça serait de pouvoir jouer avec les boss. Tu sais, de pas être Megaman, d'être un des boss. Tu veux être... Bubble Man, ben Christy, t'es Bubble Man. Tu fais le tableau Bubble Man, mais en Bubble Man, puis tu bats Mega Man à la fin. Exact. Genre, ouais. Ben, il y a eu des jeux de combat de Mega Man, mais moi, j'ai pas trouvé ça bien. Non, c'était pas terrible. Arena? Ouais. J'ai oublié ça, le distribué juste au japonais, juste au Japon, en fait. Là. Ouais. C'était comme, mais il y a aussi sur Mega Man Anniversary Collection au GameCube et au PS2. Ouais. Mais, non, c'est pas super. On l'a dans l'arcade ici aussi, puis j'ai pas trouvé ça fameux. Là. Pas intéressant. Le prochain, Bruno, c'est peut-être un peu plus pour toi parce que moi, j'y ai jamais joué puis je l'ai ajouté un petit peu par défaut. Lynx Crossbow Training. Ouais, sur ouais. Wii. L'entraînement ouais, à l'arbalète. Exact. De Link. Ben ça, en fait, ça venait avec le genre d'arbalète ou le ouais. support. De présentement disponible gun. À coup de vingtaine dans tous les pompons de shop du Québec. Ouais, sérieux? Ah ben oui, c'est de la vraie marde, ça. Comme les raquettes. Moi, je suis pas de... d'accord, en fait, avec ça. Premièrement, ce périphérique-là, je l'ai adoré. J'ai ça, vraiment aimé, moi, joué ce à... périphérique-là. Ouais, si tu joues à... Je dis pas que c'est pas bon, je dis juste qu'il ah, y non. en a partout. Ben, si tu jouais à... Umbrella Chronicle... Ouais. Resident Evil. Resident Evil Umbrella c'était Chronicle. C'était excellent pour ouais. Bouger, cette affaire-là. Ce jeu-là, Link Crossbow, c'était pas super, mais tu sais, c'était très léger. C'est vraiment. Non, c'était super léger, mais moi, considérant que c'était comme une gratuité, si ouais, on pourrait comme dire. 25$ le bandeau. Je trouvais que c'était bien correct. Je ouais. me disais, comme crime, ça a de l'allure quand même de mettre un petit jeu avec ça. Que dans le fond, c'est vraiment c'est comme un mini-jeu. Mais bon, c'est un mini-jeu ouais, qui est bien packagé. Quoi, t'achetais, ça, t'achetais le bidule. T'achetais le bidule, en fait. Ouais, mais il marchait rien c'était qu'avec le jeu. C'était pour te faire acheter non, le non, bidule. Non, il marchait avec tous les jeux de guns. C'est ça, Sin and Punishment, tu peux jouer avec ça. Ouais. Ah, j'avoue, Sin and Punishment. Il y a un paquet de jeux que tu peux. Tout ce qui était des shooters, là, mettons. Ouais, mais Sin and Punishment, t'as besoin person. Du Nunchuck, par exemple. Ouais, mais le Nunchuck, il rentre dans cette pièce. Il rentre dedans. Ok. Ouais, c'est carrément. Tu peux bouger avec. C'est le meilleur gun de tous les temps. Pour... Non, sans blague, pour viser. Sérieusement, shooter, c'était là, génial. Parce que tu pouvais bouger avec ton. Ton nunchuck. Ouais. Puis là, tu tirais, tu sais. Fait que c'était génial comme périphérique. Là. Ah, mais quand est-ce que Link utilise un crossbow dans les Zelda? Ça arrive-tu à un moment donné ou c'est juste. Ben. Complètement à côté. Non, il y a un arc. Je n'ai pas souvenir, mais c'est un arc. Il y a un arc, mais en fait, je suis pas 100% sûr qu'il l'utilise pas, moi, dans Twilight Princess. Tu sais, parce que justement, ouais, ça fait un bail, mais ça, c'était dans le temps de Twilight Princess, peut-être. Ouais. Ça se pourrait. À vérifier. Fait que, il me semble. Il me semble. Non, j'ai quasiment le goût de m'en acheter un, man. Ah, vas-y. Ouais. 5$, là. Garde-toi, mon c'est gars. C'est vraiment un beau périphérique. Pour vrai, ça vaut la peine. Puis moi, il y a plusieurs jeux, dont justement Sin and Punishment, que j'ai encore. House of the Dead Overkill tellement. Aussi, ouais. Je pense à Wii, ouais, c'est un bon jeu. Mais les shooters avec ce gun-là sont plus le fun, parce qu'à la place, justement, tu vises pas avec ta manette de même. Tu vises avec un gun, mon gars, puis il se tient bien, puis les manettes se placent très bien dedans, fait que... Pas mal cool. Ouais. Prochain? Ouais. Ouais. Vas-y donc, Nick. Hey you, Pikachu! Ça, j'ai lu que c'était un des genre deux seuls jeux qui utilisait le voice... Ouais. Le truc de voix. C'est quoi l'autre? C'était sur Onimusha, l'autre? Hein? C'était-tu un Onimusha, l'autre? C'était-tu un Onimusha sur Nintendo 64? Non, c'était pas Nintendo 64. Mais OK, je sais pas c'est quoi l'autre titre. Ouais. Ben, ça te prend le micro, là, pour jouer ouais, à ça. Ouais, ça, c'est genre, véritablement, tu donnes des ordres à Pikachu qui est fait, tu sais, c'est des commandes. Puis le tutoriel est comme interminable, là, ouais, c'est ça. C'est pas un jeu que je recommande, honnêtement, tu sais. Puis c'est grandement considéré comme le pire Pokémon. Où, il y a eu plein de spin-offs, dont Pokémon Dungeon. Des fois, c'est moins populaire, mais ça... Ouais. C'est un sommet, là, tu sais. Peut-être qu'il vaut cher pour un collectionneur. Ouais, ben, si t'as tout le kit, là, ouais, ça a de la belle valeur, mais... Mais comme si gameplay value, plaisir, là, là, c'est pas débile. Non, c'est ça. Parler à Pikachu. Ouais. Il te répond tout le temps à la même affaire, hein, non, anyway. C'est ça. Pika! Le prochain, The Typing of the Dead. Ouais! Sur Dreamcast. C'est sur PC. Super le fun! C'est cool ce jeu-là! C'est vraiment le fun! Non, mais moi je me dis, ah ben c'est qu'est-ce que crise de cochonnerie? Mais là je me dis, au Dreamcast, je sais pas comment tu fais. Ben quand tu vas sur Internet. Ben t'avais un périphérique en fait. Ouais, un clavier. Servait, ouais. Clavier Dreamcast. Ouais. Il est sorti aussi sur Steam bien plus ouais. tard. Ils ont fait une version PC de tout ça. Là. Ouais. Mais moi, je te dirais que, mettons, sur l'heure du midi, je partirais ça dans mon ordinateur, là, présentement. Ouais. Je serais comme, ça serait comme un challenge de, eh oui. de taper. Mais c'est pour apprendre à écrire au clavier, ça? Non, ouais, mais ça c'est pas. Non, c'est pas vraiment la ça fonction principale. Ça remplace-tu ta touche? Non, ça remplace pas ta touche. Tape-touche. Mais non, mais moi justement, je connais mon clavier, je tape vite. J'ai ouais. fait mon cours. Ouais, moi avec, je l'ai fait au secondaire. Best cours ah. ever. Nice, ouais. Oui. Ouais, ça m'a ouvert, tu sais, ça m'a tellement aidé dans la vie. Mais ça. Mais ça, ça sert. Je tape semi-vite. Ah non, mais je tape vite grâce à ça. Tape avec deux doigts de même. Ah, c'est ça. Ça fait une méchante différence d'avoir son doigté au ouais. clavier pour ah, ben vrai. Ouais, là. Ouais. Surtout quand tu programmes du web. Là. Ouais. Non, c'est clair. Sauf quelques secondes à chaque touche. Hein? Wow. Hein? Une leçon de vie. Tu te fais parler? Non, pour tout le monde. Non, mais je fais pas à deux doigts. Retourne dans le meeting, tabarnak. Je fais pas à deux doigts, tu sais. Je tape à deux mains, mais il y a des lettres, des fois, tu sais, comme je vais aller chercher. Non, ça arrive. Ouais. Mon doigté naturel, là, mettons le X, là, il est pas. Ouais, c'est vrai. Mais le milieu, là, ça va bien. Là. Mais tout ça pour dire que Typing of the Dead est vraiment le fun. Ouais. Parce que c'est le genre de jeu que tu le regardes, puis tu fais, ça va être vraiment épouvantable parce que le concept est pas bon. Puis tu commences à jouer, ouais, ok. Hey, Colin, mais il y a quelque chose de stressant, c'est plus loin que c'est super stressant. Pour ceux-là qui l'ont pas doigté, tu sais, quand t'as un zombie qui te fonce dessus, là, pis c'était écrit, je sais pas, carotte sur lui, carotte, faut que tu tapes carotte pour le buter, tu sais. Ouais, c'est vraiment le fun. C'était carrant. Parce qu'il y a un autre jeu de zombie de même, je sais pas c'est quoi le nom, pis c'est Of the Dead, là, mais c'était des additions. C'était Oh my god. Ouais, c'était tellement une bonne c'était idée, de ça. L'arithmétique. Ah, j'ai vu la version clavier, je pense. Non, mais je trouve ça bien, moi, des affaires à main. Je disais comme, pourquoi ça devrait être plat? Taper. Tu sais, c'est une secrétaire qui travaille dans une boîte, un studio qui font des films d'horreur. C'est idéal pour la former, tu sais. Je pense qu'on peut plus dire secrétaire de toute façon, fait que administrative, là, mais... c'est le meilleur outil pour la former, là, si vous faites justement les films d'horreur série B. Ouais. Allez-y. Tout ce qu'il faut, c'est un Dreamcast, un clavier à plugger sur un Dreamcast, ouais. Qui est très difficile à trouver. Ouais, c'est ça. Sérieux, j'ai jamais vu de clavier Dreamcast. Il y en a un. Jamais. Ouais, il y a plein de périphériques bizarres. Ouais, que je check ça. C'est ben, Sega. En fait, j'en veux pas. Là. Bon, tu peux aussi l'acheter sur Steam, le PC, ça va faire. Ouais, ouais. C'est ça. Ouvre ton PC. Ah, je pourrais aussi m'acheter d'autres choses avec cet argent-là, comme du ballonné. Tu peux faire tout ça. Jamais assez ballonné. Va t'aider à taper plus vite. Ouais, ben peut-être, là, ça dépend. Ou m'endormir. Ouais. Sur le fit. Fait que le prochain jeu, c'est ce fabuleux Dirge of Cerberus de Final Fantasy VII. As-tu quelqu'un qui a joué à ça ici? Non. Non, jamais joué à ça. Jamais joué à ça? Non. OK. C'est quoi qui se passait là-dedans? Bah, il paraît que le jeu, il est très joli, mais que c'est plat. OK. Puis, il se passe pas grand-chose. Cerberus, j'ai jamais joué à Final Fantasy VII. Lui, c'est un méchant là-dedans. Ou un ami, ouais. Je sais plus. Puis, c'est ça, man. Ils ont fait son spin-off. Le jeu, il est propre. Tu sais, il est joli. Puis tout ça. Mais il paraît que c'est bien dole. Ben dole. Puis, moi, j'en ai eu un ou deux avant ici pendant longtemps. Ça se vendait pas, man. Ça se vendait pas pendant tout. J'ai juste réussi à vendre ça à des gens qui sont très, très, très collectionneurs de Final Fantasy, mais c'est vrai qu'ils joueront jamais avec ça. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Chris, je pensais que vous alliez me supporter. Non, moi, j'ai jamais joué à ça. J'ai souvent vu la pochette, je la trouve très cool. Mais un autre jeu d'abord d'un spin-off avec un méchant, Shadow the Hedgehog, au GameCube. Ben oui. Fait que un autre jeu que j'ai eu sur mes tablettes, genre, je te jure, lui, là... Ouais, lui, je me souviens d'avoir vu longtemps. Je l'ai eu avec tout début quand j'ai commencé. Puis je me demande, je pense que j'ai jamais réussi à le vendre. Je l'ai vendu en bundle quand j'ai arrêté de vendre les jeux. Je ne l'ai jamais vendu. Fait que spin-off avec le méchant Shadow de Hedgehog, que je connais pas trop non plus, parce que j'ai pas joué à ça. J'ai pas joué à celui-là. Mais tu sais, il y a eu Tails aussi qui a eu son jeu un moment donné. OK. Puis c'était pas bon. Ah ouais? Ouais. Sûrement que c'était pas bon non plus. Mais tu sais, les spin-offs, on dirait qu'ils se forcent pas autant non plus non, pour les faire, tu sais. C'est tout le temps l'équipe B, tu sais, qui va dire, hey, on a un spin-off de Tails. Mais c'est... Shadow, il y a un gun dans les mains, fait que ça tirait-tu dans ce jeu-là? En tout cas, il y a une explosion en arrière, fait que ça tirait en tabarnouche. Il mitraille du monde, du sang, tout. C'est Narc, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est Narc. Ça serait Narc, mais avec ça. Le prochain, c'est toi qui l'as mis, Bruno. Oui. Pac-Man 2, The New Adventures. Hein? Non, c'est-tu toi, Nick? Parce qu'à un moment donné, je me réveillais un matin. C'est moi qui ai mis ça, là, whoop, il y en avait des nouveaux. Ouais, Pac-Man 2, The New Adventures, ça, en fait, c'est un genre de RPG de Pac-Man où, dans le fond, là, tu commences le jeu, puis là, t'es Pac-Man papa, fait que là, t'as Miss Pac-Man qui est intégré à l'histoire, puis Pac-Man Junior, ils sont tous là. Là, c'est genre, faut que t'ailles chercher du lait pour Pac-Man Junior, tu sais, qui pleure. Là, tu fais des affaires, puis tu vis la vie quotidienne de Pac-Man qui est complètement inintéressante. c'est pas quelque chose comme le fun, tu sais, ça n'a rien à voir qu'un puzzle game, tu sais. C'est plus proche de Pac-Land, en fait. Là, mais ouais, moi, c'est Pac-Land, ça fait penser à ça. Il y a une histoire là-dedans. Fait, c'est vraiment pas un bon jeu. T'sais. J'avais joué dans le temps. Je me rappelle plus ou moins parce que j'avais pas aimé ça. Puis c'est à l'époque que tu pouvais te faire échanger ton jeu. Ouais. Puis ça avait été possible, mais Je le conseille juste pas. T'sais, j'ai un très mauvais souvenir. T'sais, un goût amer là, dans la bouche. Là. Même au niveau de la collection, ah, je sais pas ça vaut rien. Non, non, ça vaut rien. Bon, c'est juste la pochette de ce jeu-là aussi. C'est dégueulasse. C'est vraiment... Ah, c'est... Garde. Il n'y a pas de quoi écrire à ça. C'est drôle. Je sais même pas si Namco, ce qu'ils ont fait là-dedans, à part le publier, là, mais il aurait jamais dû sortir ça. Le prochain jeu, Counter-Strike Nexon Zombies. Jeu que j'ai fait la critique ici quand il est sorti. Mais pour moi, faut vraiment parler de ce jeu-là. Là. C'est une horrible itération de la série. C'est tout crush. Je pense que c'est gratuit. Fait, essayez-le pareil. Là. Vous allez à l'Halloween, vous allez avoir bien du fun. Prenez une coupe de shooter, jouez à ça. C'est pas tight. Il se passe des affaires que tu comprends pas. On dirait qu'ils ont piqué des sprites à tous les jeux d'horreur que vous avez joué dans votre vie sans payer les droits d'auteur. Tout ça dans un, tu sais, qui fait que... En plus, ça a l'air d'être un vieil engin de Counter-Strike, genre, je sais pas, 1.4, qui ont piraté probablement, tu sais, puis je comprends même pas comment ils ont eu le nom de Counter-Strike. En tout cas, Nexon a des gros succès en Asie, mais tu sais, cette affaire-là, là, c'est un pinacle de mauvais jeu. Wow. Essayez-le, là, tu sais. Essayez-le parce qu'il y a un côté... Tu sais, quand quelque chose est tellement mauvais, tu sais, après ça... Ça rentre dans l'espèce de côté de curiosité sadique. Là, exact. Celui-là, je pense qu'il se qualifie là-dedans. Là. Faites un boss fight qui dure 25 minutes puis tu comprends pas ce qui se passe. ça crie. T'sais, l'audio, là, ça crie. Juste... ça crie partout. Oh. Faites attention à l'audio de ce jeu-là parce qu'il peut vous rendre sourd. Là, c'est... Ah, c'était horrible, horrible, horrible. Si bol. Ouais. Fait que, l'autre, Halo 2, en fait. Ah ouais, j'étais surpris quand j'ai vu ça. Ouais, moi aussi. C'est pas genre un succès éclatant, ce jeu-là. Non, mais Halo 2, tu vois, c'est comme l'enfant bâtard qui a eu lieu entre Halo 1 et Halo 3, tu sais. Parce que Halo 1 était un succès retentissant. Ouais. Halo 2, il y avait des bons features là-dedans. C'est pas un mauvais jeu en soi, mais tu vois qu'il y avait une promesse de grand jeu qui s'est pas réalisée. Ce qui est arrivé au niveau de ce jeu-là, c'est que tout le monde a été tiré de ce jeu-là à partir du milieu de la production pour travailler sur Halo 3. Qui sortait, tu sais, bien sûr, sur la nouvelle console. Fait que là, le monde sont juste... OK, on va finir le 2, ça vieille machine. Ouais, c'est ça, ils l'ont fini, genre, ça a fesse. Fait que ça a quand même eu, un impact au niveau de... Surtout le single player, là, qui était comme vraiment décevant. Par contre, il y avait un très bon multijoueur, là. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, Halo, c'est quand même une très bonne série. La qualité, il y a pas grand-chose de mauvais. Mais celui-là, il a manqué d'amour, là, par rapport à d'autres dans la série, là. Autre jeu... Le dernier. Ouais, moi, j'ai pas joué à ça. T'sais. Moi non plus. Je savais même pas que ça existait. Moi non plus, puis j'ai vu ça. J'ai dit, aïe, il faut que j'en parle. T'sais. Double Dragon 2, Wonder of the Dragons. Puis la seule raison pourquoi. Ah, fuck. Quand tu parlais de ça. Ouais, j'ai fait la critique de ça. Écoute, ah ouais? C'est un des seuls jeux fallu que, genre, que je joue, ça dure. 2.5 ou 3 sur Metacritic. Ouais. T'sais, c'est genre, il y a aucun jeu qui a ça, tu sais. Mais ça, fait que toi, Bruno, tu peux nous en parler. J'ai plus, donné 2. C'était horrible, horrible, horrible. Là. Ah, premièrement, ouais. les contrôles marchaient pas la moitié du temps. Ton bonhomme gelait, ton bonhomme pognait. T'as aucun lien vraiment avec Double Dragon à part le fait que justement Ken est là, puis c'est la Ken. Même. Pas Ken, mais les Billy deux. Et Jimmy. Billy et Jimmy sont là. Mais c'est vraiment. Tu sais, ils ont essayé de faire un look réaliste, mais comme quelqu'un qui faisait de la 3D en 94. Ouais, on dirait du PlayStation 2, c'est man. Lettre, mon gars, ça a pas de sens. Ça, là, c'est Xbox 360. Oui. Ouais. Mais c'était épouvantable. Puis il y avait des combos à faire, puis tout ça. Puis en plus, ce qui est fort, c'est que je venais de jouer à Double Dragon Neon. Chris. Ça devait torcher, ce jeu-là. Ça torchait tellement. Ben oui. Puis là, tu faisais tout le temps des parallèles entre les deux. Puis tu sais, comme, Chris, pourquoi ils ont sorti cette honte-là? C'est vraiment de la merde, là. Puis la compagnie qui le développe, elle a absolument aucun rapport avec eux autres, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, c'est une compagnie lointaine, là. Ils ont donné ça à quelqu'un, quelque part. Puis ça donne vraiment l'impression d'un jeu de mobile qui a été mis sur la 360, c'était vraiment de la mort. Ça me fait de la peine, moi, quand les grands classiques du jeu vidéo même se font bafouer là, parce qu'ils se font garrocher à gauche puis à droite par n'importe qui. Chris, moi, là, tu me dis, même, moi, j'ai un business, je fais des jeux vidéo, j'ai une start-up, tu me dis, demain matin, tu vas faire un nouveau Double Dragon, là, ça serait un honneur, man. Ben oui. Je mettrais tout mon staff là-dessus, je voulais que ça soit tight, là. T'sais, comme WayForward ont fait avec Neon, là, tu sais. Mais imagine si toi, tu dis, je vais faire ça... puis qu'eux autres font comme non, c'est parce qu'on a 200$ pour faire le jeu. Ouais, ben je dirais, ok, on le fait pas, c'est sûr ça et certain. Ça va être un honneur de laisser tomber. Ça va être un honneur de jamais toucher à ça. Ouais. Avec ton budget de merde, c'est ça qui est triste. Parce que tu sais, dans la même optique, là, tu sais, on n'a pas parlé, mais moi je mettrais l'ensemble de ce que Konami a fait avec avec toute leur série en fait pour les slot machines. C'est comme ouais. Le nouveau contrat, c'est une slot machine. Ils en ont fait un avec Castlevania, ils en ont fait un avec Metal Gear Solid. Ouais. T'sais, c'est juste des slot machines minables. Fait que ça, moi je trouve que c'est des déceptions horribles. Il y en a c'est deux que j'avais comme oublié et qui m'ont repopé pendant qu'on discutait de ça. Puis sont importants à mentionner parce qu'ils sont vraiment, vraiment médiocres. Final Fight Revenge, en fait, qui est sorti au Sega Saturn. Ça, j'avais là, jamais vu ça, moi. Vous pouvez mettre votre main là-dessus. Là. C'est un jeu genre de combat 3D, en fait, de Final Fight. Horrible, OK? Il est reconnu comme un jeu là, vraiment là, qui est pas digne de la série, en fait. OK. Puis dans la même trame, en fait, le Altered Beast qui est sorti en 2005 sur PS2, en fait. Je sais pas si ça, toi, t'as déjà joué, Bruno. Oh, ouais, c'est ça, vraiment épouvantable. Tu sais, Altered Beast, quand même un jeu culte du Genesis parce que c'était le launch title en Amérique du Nord. Un jeu culte, mais c'était pas bien bon. C'est pas bon, mais c'est culte, tu sais. Ouais. Mais ça, ça a genre, tu sais, c'est horrible. Tu sais, j'ai vraiment un mauvais passage au 3D, là. Ah ouais. De scraper une série, tu sais. 3D en a scrappé des belles affaires. C'est incroyable, tu sais. Mon Dieu, man. Le début du 3D, là, c'est pas beau, là. C'est dégueulasse. On va regarder ça un moment donné, mais on va dire, regarde, c'était là. Pourquoi que ça a pas crashé les jeux vidéo en même temps que la conversion au 3D, sérieux? Non, le monde qui achetait ça a progressé vite, par exemple, tu sais. Fait que, ouais, il y a juste vrai. Une génération pas beau, là, tu sais, mettons. Tu sais, même le PS1, il y en avait des belles choses là-dessus, tu sais, quand même. Oh, ben donc, oui, ben oui, ben oui. Ben, 64 aussi, là, on ouais, chie c'est la, ça, fait ben, que moi, je chie là-dessus pas mal, mais il y a des... Mais il y a des très beaux titres, mais il y en a, c'est parce que... Des beaux produits. Je pense que c'est probablement les consoles, il y avait plus d'inégalités entre les titres. Ouais, t'avais, c'est ça, c'est t'avais ça. T'avais d'excellents matériels, puis des trucs horribles. Exact. Fait que, en tout cas, ça, c'est les deux titres que je dis, faites des belles recherches, là, vous allez apprécier de voir ce genre de cochonnerie-là. Puis si vous êtes des collectionneurs... je dirais, redoutable, aller les chercher juste pour... Oh, ça doit coûter 2$. Hein, ouais, c'est gagné, ça, ouais. Juste pour les sortir dans un mauvais party, jeu là. De PS2. Quand vous voulez que le monde quitte la salle, là, tu ouais. Vois, vous mettez le jeu. Puis, hey, guys, on va faire un concours de ça. Un peu comme un concours d'Amagon, finalement. Ouais, Amagon est bien meilleur que tous les jeux qu'on vient de nommer. Là. Possiblement. Il hey, y avait Contra Force aussi, qui était pas bien bon. Ah, je pense. Ouais, c'est intéressant mais... que tu mentionnes ça. C'est un jeu, ça, qui vaut cher maintenant, genre 120$. Ouais. Mais j'y ai joué très rapidement. Pas assez pour l'apprécier ou ne pas l'apprécier du tout, mais ouais. Faut pas que tu t'attendes à ce que ça soit gameplay contre. Non, c'est pas ça. Ça tout, c'est autre tout, chose là. Complètement. C'est plus gameplay G.I. Joe ouais. Au NES là, comme feeling. Mais j'aimerais ça l'avoir. J'aimerais ça ouais. L'essayer comme faut. Là. Ça va venir. Ça va venir. Ah oui. Non, puis. On m'en souvenir. Ouais, parce que Contra Force, moi j'ai été déçu. Je me souviens, quand j'ai joué, je faisais. Ah non, c'est ça, non. C'est pas terrible. Moi, j'avais un quick shout-out à faire au Bionic Commando qui a été fait. Ah oui. non, ça m'a déçu, ça. Le bras de hot dog. Mais... J'aime tellement Bionic Commando, l'original. Ouais. Puis au Game Boy. Mais c'était un bel effort. Tu sais, il y avait. C'était pas super, sauf que le. La technique du hook, là, du grappin, là, ils l'ont eu parfaitement. T'sais, c'était vraiment génial. Moi, c'est pour ça que j'étais déçu par la suite, parce que t'sais, tu joues au jeu, tu le fais au complet, finalement, bon, ouais, c'est vrai, il y a plein d'affaires qui fonctionnent pas. Ça m'a surpris, moi, qu'ils refassent Bionic Commando, sérieux. Ben, c'est parce qu'en fait, ils voulaient le relancer. T'sais, ils ont sorti Bionic Commando Rearmed, puis ce Bionic Commando-là, pas très loin l'un back de l'autre. C'était back-to-back, en fait. En fait, c'est ça. Rearm est sorti un petit peu avant. Oui. Puis il était bon. Puis c'était comme le but, c'était de dire, on va créer du hype pour ce Bionic Commando. La version 3D qui, lui, il y avait du gros hype, je me rappelle. Là, oh, oui. Tout le monde en parlait. Genre, moi, ça va être malade. Moi, j'avais là. Vraiment hâte de voir ça. Tout le monde avait hâte. Puis à un moment donné, ça Mais moi, je l'ai fait pas... au complet. J'ai joué jusqu'à la fin. Puis sérieusement, tu sais, c'est pas un hit, là. Mais c'était pas si pire que ça non plus, là. Parce que justement. Le grappin, c'était vraiment fantastique. Là. Ouais, mais ils l'ont vraiment bien eu. C'est fait bâcher au niveau des reviews. Là. Il y a eu tellement mauvaises notes. Dès le début, ça a plombé les ailes du titre. Puis là, ouais. Ah non, il s'est fait détruire ce jeu. C'était foutu d'avance. L'original est encore le meilleur. Ouais. Quel bon jeu. Oh, rapide. Ouais, excellent. Là, mais, quand tu maîtrises ce jeu-là, là, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est rapide, sauf quand t'es dans la carte. Ouais, non, ouais. Ben, ça, c'est pas très long, là. Ben, tu choisis ton shit, tu pognes ta lanterne. C'est vrai que c'est long dans la carte. Faut t'attendre l'hélicoptère. T'attends pas, là. Tu choisis ton chemin, tu payes sur A, puis tu vas sur ton chemin. Bon. Hey. J'allais être dû pour rejouer à ça. Lead gamer. Non, mais c'est toi, parce là, t'es dû pour une game de Mega Man Soccer puis une game de Mega de Bionic Commando. Mais moi, pour j'ai te rejoué. Remettre à jour dans la tête. Ouais. J'ai rejoué récemment à Bionic Commando puis je dois vraiment être impatient parce que pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'était long dans la map. Tu sais, que pas long, genre, ah oh, bon, ben, on va me faire un café. Mais, tu sais, c'était. C'était. Long, genre, je vais me gratter à la poche. Ouais, exact. Tu sais, c'est le temps. Fait que c'est ça. Mais ben. Chacun ses goûts, comme on dit. Sur ça. Ben, c'est tout en ce qui concerne cette discussion. Ouais. Bon, on a nommé des affaires. On a nommé en mots, t'as dit. Ben, il y en a de la boîte. Ah, il y a ça, de la marde. Y en mais je pense que le roi de la marde dans toute cette liste-là, c'est vraiment Zelda CDI. Ouais, c'est il est vraiment dur à battre. Fait là. Mal, là, tu sais. Ah, ouais. Ben, c'était beau, hein? Ouais, c'est drôle, c'est important. Ouais. C'est une partie de l'histoire, tu sais. Ouais. C'est, faut connaître ces affaires-là. C'est important de savoir que la plupart de ces jeux-là coûtent très cher. Oui. Ben, je suis curieux, sérieux. Faudrait que je check ça. Complet, là, tu sais. Ouais. Ça doit valoir pas mal cher. Ben, c'est pas ça. Clairement, de faire des copies de ça, puis jouer là, sur un CDI sans problème, là. Mais la copie originale, ça doit être pas mal de pognon. En plus, je pense que les CDI, tu pouvais copier tous les jeux, puis il n'y a pas vraiment de protection. Ah, dans ce temps-là, il ne devait pas avoir d'anti-piratage. Non, je pense qu'il n'y en avait pas, en fait, mais on n'encourage pas ça ici, nous. Non, vraiment pas. Attends pas que je sorte mon Yo-Mega Predator, man, que je me fasse des copies. Ça gravait ça en 16X. Ah ouais. Je connais ça, les ordinateurs et les future shows. Yo-Mega. Yo-Mega. Shout-out à Yo-Mega. C'est quoi les grosses disquettes épaisses? Là? Des zips, des jazz. Ouais. Il y avait un petit avion dessus. Ah ouais, moi j'avais juste les moyens de m'acheter des zips. Les jazz, c'était trop cher. Il fallait que tu travailles à la presse quand tu avais des jazz. Les disquettes oranges. Ah ouais, c'était bien épais. T'as un lecteur zip, tu sais. Ouais. Fait que t'achètes ça aussi. Eh oui, t'avais pas le choix. Ça coûtait cher les études en graphisme. C'était la belle époque. Ah, c'était un vrai cauchemar. Avec des belles discussions de graphisme. C'est vrai, deux fois Corel Draw à soir qui a été mentionné en plus. Ouais, deux fois. Yo-Mega, lecteur zip, imagine. Moi, j'aimerais dire Paint Master. Ouais, version DOS. Ouais. Version DOS. Wow. Hey, parlons de la fonte Mistral. tellement rien à faire avec. La Orator. Ben non, mais ils ont fait le film Drive, puis là, ils l'ont utilisé dans Drive, fait que là, il est revenu. Oh. Ouais, c'est à cause du film Drive, la fonte Mistral est revenue. Wow. Puis là, elle est en train de redisparaître. Le temps d'un soupir. Ouais. En fait, son temps, écoute. C'est ça. Mistral est ressorti, elle va être comme « Yes! Yeah! Du cash! » Le typographe derrière Mistral. Je peux me racheter plus de bière ce mois-ci. À 96 heures. Yes! Des jokes de graphiste. Dans le chat nous dit les Yo-Mega Zip, 100 mecs d'espace là-dessus. 100 mecs! Ah, ouais, c'est juste un lecteur pour ça. Ah, ouais, moi j'avais mon lecteur, puis j'en avais 3-4 la disquette Zip pour mes travaux. 100 mecs. Quand tu avais des cours de photo, man, dans Photoshop dans ce temps-là, genre Photoshop 2, c'était lourd, là, les photos, c'était long. Tu dis, je vais essayer ça, moi, le filtre Lens Flare. Là, tu pèses sur le bouton, tu leur dis, l'autre, après 5 minutes, c'est comme « Ah non, c'est à chier, c'est pomme Z. » T'es essayé tout un par un, c'est un cauchemar. Là. Au cégep de Sherbrooke. Oh, la belle vie. Là où tout le monde s'habillait en chlorophylle. Les filles portaient des jupes très longues, style randonnée pédestre, et puis on sortait au graffiti. Écoutez, Rage Against the Machine. J'étais au graffiti, écoute. Puis maintenant, tout le monde se déguise en slutty Tetris. C'est comme inverse, là, ensemble, là. Mais personne ne se déguise en astéroïde. Malheureusement. Non, malheureusement. Ça vient pas. Ah, mais ça va venir, crois-moi, après ce soir. Ça part en force, ce soir. Il y a du monde qui vont chercher ça, ce costume-là. j'ai atterri, man, la lumière rouge va sonner, les sirènes. Tabarnak! On prend tous nos sauts de stéroïdes à toi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, un dislike! The disliker! Alright. Ah, disliker strikes back. Ça fait le tour du show. Ouais. Ah ouais. C'est cool, cette semaine, on a manqué de budget à cause du Patreon, qu'on a pas eu de don, mais il y aura pas d'explosion. Personne ne donnait d'argent, fait qu'on peut pas mettre l'investissement dans l'explosion de fin de show. On peut même pas faire sauter le show. Fait qu'on finit sur le, ça a pas de sens. Le thème original, fait qu'on se revoit à l'épisode 31. Ben oui. Cool, ben à la prochaine tout le monde. Non, mais weird. Voyons. Un petit vieux iPad de tabarnak.